les champions, putain. On est les champions. Non mais tu le crois ça? On est les champions. Non mais c'est fou. Bon, le MHB est une nouvelle fois au firmament du handball continental. 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue, 2 trophées des champions et désormais 2 Ligues des champions. Montpellier est sur le toit de l'Europe. Et bonsoir à tous et bienvenue sur Sport & Chill. C'est la 11e émission de cette saison 4 et c'est le retour de Sport & Chill dans ce froid de canard, on peut le dire ce soir. Ah oui, clairement, oui, on peut le dire. Déjà des malades un peu partout dans la radio, hein. On pense à toi Arnaud et à moi un petit peu aussi, ça commence. Mais c'est pas le sujet du soir. Le sujet du soir, ça va être un peu un débat rugby, donc en moitié d'émission, moitié de partie d'émission. Sur le 15 de France, puisqu'on est à environ 10 mois de la Coupe du Monde au Japon, de rugby évidemment. Et on fera un petit peu un état des lieux de ce 15 de France, et c'est Paul qui nous le fera tout à l'heure. Avant ça, on va faire un petit retour évidemment sur les résultats de la semaine, avec de la Ligue des Nations, des Masters de Londres évidemment. Le 15 de France, cette fois-ci féminin, qui a fait un exploit ce week-end, et ainsi on va parler d'un test match chez les hommes Irlande-Nouvelle-Zélande. Les sports autour, on en parlera également, tout comme les sports d'hiver et les autres sports qui sera fait, par exemple, par Romain, comme d'habitude. Je bégaye un peu en ce début d'émission et on parlera évidemment des sports montpellierains, un petit focus BLMA et un petit duel aussi en deuxième partie d'émission, avec un duel assez atypique entre Marquez et Rossi sur la MotoGP, quelque chose dont on parle moins dans l'émission. Mais qui va être très intéressant, je le sais, entre nos deux chroniqueurs. Et d'ailleurs, ces chroniqueurs ce soir à ma droite, les deux duellistes, ça sera Romain et Maxime. Salut les gars. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et à ma gauche, Alex et Paul pour le rugby notamment. Salut tout les gars. Tout à fait. Salut Flo. Bonsoir salut à tous. Allez, bah, sans transition, on passe tout de suite au résultat de la semaine. Sport & Chill, les résultats. Et on va commencer avec, si vous voulez bien, la Ligue des Nations et le football. Ça, c'est inhabituel qu'on commence par le foot. Et on va parler de l'équipe de France tout de suite, donc sans revenir sur le match en lui-même. Je pense que peut-être les gens l'ont vu, ou au moins ont vu le résultat et la défaite de l'équipe de France 2-0 contre les Pays-Bas. Donc c'était à l'Amsterdam Arena, si je ne me trompe pas. À Rotterdam. À Rotterdam, c'était. Victoire logique ou défaite logique plutôt. Et je vous avais posé une question au début de cette Ligue des Nations, je vous la repose à nouveau. Est-ce que Didier Deschamps a-t-il eu raison de reconduire les champions du monde? C'était la même question, je vous la repose. Non, mais c'est une bonne question. Comment dire, contre les Pays-Bas, il faut quand même rappeler qu'il y avait énormément d'absents, hein, justement depuis la Coupe du Monde, ouais. Beaucoup d'absents pour cette équipe, pour ce match. Ouais, en effet. Mais l'équipe type était tout de même. Il y avait l'ossature de la Coupe du Monde. Et l'arrière gauche. Bah, disons qu'il y a des faiblesses en équipe de France que l'on connaît, que l'on sait. Moi, je pense notamment à Benjamin Pavard, qui pour moi à droite est en réelle difficulté, et avec Stuttgart et avec l'équipe de France. Et il a la jurisprudence un peu de son butin. Voilà. Pas forcément, parce qu'en équipe de France, ça. Il a quand même jamais déçu. C'était aussi le porte-bonheur de l'équipe de France. Il avait 38 victoires ou 39 victoires d'affilée avec toutes les équipes de France confondues. C'est la première fois qu'il perd avec le maillot de l'équipe de France. Bon, ça c'était pour le côté anecdote. Mais après, moi je pense que c'est au niveau défensif où on pêche vraiment. Kimpembe, encore une fois, n'a pas du tout rassuré. Et sur le plan offensif, malheureusement. Je suis un grand fan d'Olivier Giroud, mais il faut avouer que là il a quand même moins pesé, avec Mbappé et Griezmann aussi. Pour moi, pour le coup, sur ce match, tout le monde est fautif. Après, est-ce qu'il fallait reconduire l'équipe pour le mondial? En grande partie oui, il fallait peut-être ajouter 2-3 touches. Moi je pense que c'est une erreur de ne pas vouloir renouveler. Il faut qu'il renouvelle Deschamps, sinon on va finir comme l'Allemagne. Alors, je pense, comme Joachim Löw. Mais le truc, c'est que tu veux. Oui, moi je suis d'accord pour renouveler, pour ajouter certains trucs. On a plus d'autres, par exemple, ouais. Moussa Sissoko. Enfin, bah, ça, c'est une catastrophe pour moi. C'est... Pourquoi est-ce qu'on nous assiste en arrière? On comprend que c'est encore la tactique des champs de plutôt privilégier le groupe avant le talent, plutôt. Oui, donc, Sissoko revient dans ce groupe, parce qu'on pourrait parler surtout de la défense centrale, qui, bon, peut-être Kimpembe fait un début de saison avec le Paris Saint-Germain aussi moyen. Mm-hmm. Et on a surtout quelqu'un qui s'appelle Clément Langlais, et qui, avec le FC Barcelone, qui n'est pas un Clément club. Langlais, Aymeric Laporte, voilà, Laporte. Et on garde. Je pense que c'est des problèmes de groupe, peut-être, sûrement. Aymeric Laporte, ça va être sûrement le cas, parce qu'il parle beaucoup dans les réseaux sociaux, je trouve, par rapport à d'autres joueurs. Et c'est peut-être, peut-être pour Deschamps, c'est déjà trop. Donc, c'est voilà, ça que Deschamps pas, je crois. Je suppose. Ouais. Donc, à partir de... ouais. Peut-être Romain. Et ça suit du coup la logique de Deschamps. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, je pense que autant sur les matchs qui ont vraiment suivi la Coupe du Monde, il y avait un petit côté. On n'avait pas été révolté. Je me rappelle au contraire, on avait dit que c'était normal d'avoir reconduit le groupe dans son aussi. Intégralité. Parce qu'il y avait un petit côté. On aurait pu faire un duel parce que je n'étais pas d'accord sur le seul, je pense. Ouais, à ce moment. Ouais, ouais, mais beaucoup de monde était d'accord, en tout cas autour de la table en là-dessus. Effet. Sur le fait que c'était aussi l'occasion de fêter ces champions du monde, de leur rendre hommage, avec des guillemets, bien sûr. Et donc, qu'on les ait reconduits juste après la Coupe du Monde, sachant que ça avait bien fonctionné, c'était loin d'être scandaleux. Et puis finalement, ils avaient fait des matchs tout à fait corrects, notamment pour entamer cette Ligue des Nations, avec les premiers matchs contre l'Allemagne et les Pays-Bas. Par contre, maintenant, on sent que cette équipe a besoin d'un nouveau souffle, de nouveaux visages. Et c'est vrai que malgré les quelques blessures qui ont amené, finalement, contraints et forcés, de nouveaux joueurs à intégrer cette équipe de France, on sent qu'il y a des choix qui sont des choix de joueurs qui ont déjà fait partie du groupe France avant, qui connaissent les gars qui sont présents, et que du coup on est dans cette logique de groupe, comme vous le dites, qui privilégie pas forcément des fois le talent individuel, et que dans une équipe qui a un petit peu de difficultés, avec des joueurs on voit qui dans leur club aussi fonctionnent pas forcément bien actuellement, et ben il y a besoin de cette touche technique et de nouvelles têtes pour avoir une dynamique et des joueurs qui en veulent encore plus, parce qu'ils ont touché le Graal, ils sont allés chercher la Coupe du Monde. C'est les blessures qui maintenant faut aller forcer une autre compétition. Oui. Sinon, il n'y a pas de concurrence. Parce que sinon, ça va ronronner au fur et à mesure. Mmh. Ouais. Alex, tu voulais réagir aussi. Oui, mais après, je pense que c'est aussi logique. C'est comme un sas de décompression. Là, ils sont champions du monde. Il y a beaucoup de joueurs qui ont atteint un peu le firmament de leur carrière. Et je pense que voilà, c'est normal. Ils sont en décompression. Je pense pas qu'il faille spécialement changer. C'est dans le processus logique. Après, ça passe. Enfin, faut aussi se rappeler comment on a été champion du monde. Hein. On a été champion du monde dans un style de jeu particulier. Il faut peut-être repenser le style de jeu. Et il faut aussi voir le parcours, les équipes rencontrées, etc. Donc, faut se calmer. C'est pas parce qu'on est champion du monde qu'on va battre toutes les équipes. Voilà, ça fait partie. Mais ça les joueurs le savent. Deschamps le sait aussi. Et pour vous, cette jurisprudence, on est champion du monde, cessera-t-elle? Mais non, je pense que ça, c'est médias. Pas, je pense qu'il n'y en a pas de jurisprudence. Pour le public, parce que... Ouais. Il y en a peut-être, parce que, et comme l'a dit, comme tu l'as dit, comme vous l'avez tous dit, il y a Deschamps privilégie le groupe, privilégie l'état d'esprit, et je pense que tous les joueurs s'adorent tous. Et s'il choisit Mamadou Sakho et Sissoko, plutôt que des mecs comme Langlais, Laporte, ou je sais pas, au centre, Aouar, il fait ses matchs avec Lyon. Aouar, c'est en Ligue des Champions, quand tu le vois, il fait pas les efforts défensifs. Ouais, j'ai pris un exemple comme celui-là, mais il y en a d'autres. Après, sur Sissoko, je suis d'accord. Mais Sissoko, c'est son. C'est son chouchou, ouais, sauf que Sissoko, depuis l'Euro 2016, Sissoko, on n'entend plus parler. Il joue pas, il joue pas. C'est ça, c'est ce que je dis. Donc qu'est-ce qu'il va faire là? Et c'est vrai que là, pour le coup, Deschamps. Ça serait bien qu'il s'explique là-dessus. Alors, il s'explique, j'ai pas vu, j'ai pas entendu. Mais. Je comprends pas. Juste rapidement, sur Sissoko, il y a aussi le style du joueur, athlétique, etc., qui peut jouer à plusieurs postes, qui, je pense, plaît à Deschamps. Voilà. Ça, on peut le lui dire. Alors, on va passer à l'équipe de France, on va passer à notre groupe. Je voulais parler du groupe Angleterre-Croatie-Espagne, qui était le groupe 4 de cette Ligue des Nations. Un groupe particulièrement relevé, donc avec ces trois sélections, qui voit sacrer, entre guillemets, l'Angleterre et faire descendre les finalistes croates. Est-ce que pour vous, déjà, c'est une surprise de voir l'Angleterre première de ce groupe de 3? Personnellement, oui. Oui, pour moi, ça l'est aussi. Oui. Je les voyais pas forcément sortir en tête de ce groupe. Alors, pas la dernière place, peut-être bien. Surtout qu'on est dans une compétition post-Coupe du Monde où il peut se passer beaucoup de choses. En tout cas, dans ce groupe, finalement, c'est l'équipe qui en a le plus voulu, ouais, qui allait chercher la place. Moi, par contre, c'est ce que je pense. À l'image de ce match où ils ont été capables de retourner la tendance qui était en faveur des Croates et donc finalement des Espagnols pour la qualif. Et avec ce but rageur d'Harry Kane qui permet de leur offrir la qualif, j'ai l'impression que c'est une équipe derrière cette compétition qu'on critique, qui en veut et qui a vraiment envie d'aller chercher un premier titre déjà honorifique, parce qu'on sait que cette Ligue des Nations c'est pas grand chose, en allant faire une bonne performance au Final Four qui aura lieu du côté du Portugal. Donc de ce côté là, pas surpris par l'envie qu'ils ont démontré, c'est l'équipe qui le mérite le plus qui est. Après, sur le papier, l'Espagne et la Croatie semblaient avoir plus de talent individuel. Et oui. quid de l'Espagne, est-ce que c'est une sélection qui se cherche encore pour vous, depuis le départ de Jürgen Lopetegui, qui avait instauré quand même son style de jeu? Oui, c'est sans doute une équipe qui se cherche actuellement, surtout qui est marquée par l'irrégularité. Rien qu'en témoigne la victoire, le carton qu'ils avaient mis à la Croatie, 6-0 et derrière une défaite au match retour, donc ouais, assez surprenante. Et puis ils étaient vraiment dans à les deux dernières doigts, secondes, ouais. Ils étaient à deux doigts pour le coup, notamment grâce à cette différence de but très favorable, d'aller chercher la qualification, et ils se sont finalement sabordés un petit peu à l'image de notre équipe de France peut-être, en n'ayant plus leur destin entre les mains, et ce match Croatie-Angleterre qui obligeait un match nul, et comme moi je le pensais, ce ne fut pas le cas, sachant que l'Angleterre l'a emporté 2-1 contre la Croatie. Très bien, on va passer à notre sport. On va passer au rugby. On en parlait en deuxième partie d'émission et on va parler du 15 de France féminin. On n'en parle pas assez. Quel match ? On en parle puisqu'il y a eu aussi un exploit ce week-end. Et première victoire de l'histoire, si je ne me trompe pas, contre le Black féminin, les Black Ferns. Tout à fait, c'est Alex. Ça. Oui, donc victoire 30-27 de nos féminines. Avec un magnifique essai à la 6ème minute de Julie Duval, après un classique du rugby, un bon petit ballon porté. On aura eu après un essai d'une joueuse néo-zélandaise, puis deux essais français de Philippon et de Ménager. Et je pense que le carton jaune à l'heure de jeu de Mante, pardon, je suis très bon en anglais, une joueuse néo-zélandaise, qui a pesé lourd dans le match, parce que c'était au niveau de l'heure de jeu. Et bel exploit, beau match et beaucoup de combativité de la part des Françaises. Et ça prouve aussi que chez les femmes, le rugby va bien. Le stade de Grenoble leur réussit bien finalement. Oui, invaincu je crois dans ce stade. Jusqu'alors. C'est ça. Et qui font des performances au niveau de, pas de l'audience, mais des spectateurs qui sont présents. Oui, bah, je crois qu'ils étaient à deux doigts de battre le record. Ce qu'ils ont c'était la deuxième influence. Ouais, deuxième influence. Record historique. C'est une ville de rugby, Grenoble. Et puis, ouais. ça reste discutable. Ouais, moi, je trouve pas qu'on soit forcément dans une grande région de rugby, et surtout que ce soit Grenoble, la ville du rugby dans la région. Oyonnax, Bourgoin, plus, effectivement. Ouais. Bah ouais. Même le Loup au niveau universitaire, bah ouais, Grenoble en second échelon, mais peu importe, c'est pas ça le débat. Cette équipe de France de rugby féminine, par contre, m'a véritablement fait plaisir. Tu parlais de combativité, il en faut pour gagner ces matchs-là, mais aussi dans le jeu, on a un score de 30-27. Elles ont été très très bien jouées. Moi, j'ai vu des mouvements de haut niveau et j'ai trouvé que c'était aussi un très beau symbole pour le rugby féminin, sachant qu'en plus il y avait une diffusion sur France Télévisions, et qu'au vu du jeu déployé par l'équipe, ça donne envie aussi peut-être à certains plus sceptiques de suivre ce rugby, et avec des joueuses vraiment qui ont tenu leur rang, à l'image des Montpellierennes aussi, Caroline Boujard ou Sophie Ndiaye, ou aussi Lélière, dont le nom ne me vient plus. Roman Bernis, non? Non, Romain Bernet, c'est le BLMA, c'est. Je l'ai retrouvé, je l'ai. Mais oui, voilà, il y a plusieurs joueuses. Je parle des Montpellierennes, forcément. C'est même plus le côté chauvin, c'est le côté local. Mais bon, à dessein, parce qu'elles ont fait un super match. Et oui, cette équipe a montré de bonnes valeurs collectives, et a montré aussi que, certes, on avait un match amical, mais qu'il avait une grande importance pour elles. Elles ont eu la bonne attitude, et voilà, ça s'est conclu par un résultat qui me semble mérité. Ok, personne d'autre voulait faire un petit retour sur le 15 féminin. Non, mais c'est bien que c'est un exploit de battre les All Blacks, il faut le rappeler, c'est la première fois que ça nous arrive. Et puis c'est de bon augure aussi pour la suite. Et c'est une belle preuve, comme on l'a dit, une belle pub pour le rugby féminin. Et puis pour avoir vu le match, J'avoue, je me suis régalé. Il y a eu du jeu. Ouais, c'était un bon niveau. Même la semaine dernière, c'était un match différent sur un terrain plus gras. C'était aussi contre les Blacks. Toujours les Blacks. Il y avait 0-0 à la mi-temps, je crois, un truc comme ça. Donc c'était un match plus âpre. Là, on s'est vraiment régalé. Ça annonce de belles choses pour la suite. Je sais pas quand est-ce qu'est la prochaine Coupe du Monde. En tout cas, elles ont fini 3e, les Françaises, de la dernière Coupe du Monde. Elles ont fait le grand chelem lors du tournoi de destination. Donc on peut dire qu'on a une belle équipe féminine et il faut continuer comme ça. Ouais, voilà. Elle monte en puissance et il pense faut, que... comme on dit à chaque fois, que les hommes s'en inspirent. Voilà, ça dépendra des matchs, mais on a une équipe de France féminine qui a les moyens, a priori, d'aller chercher une finale de Coupe du Monde. Voire plus. Derrière l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment un client, et même au niveau de ses équipes, vu les dernières performances, comme le disait Paul, au tournoi des Six Nations, avec le Grand Chelem et contre la Nouvelle-Zélande, ce week-end. C'était peut-être Cyril Banet, c'est une avant. C'est ça. Il y a aussi, j'avais bien une Romane dans la tête, c'est Romane Ménager, je crois, qui joue à Montpellier également. Les deux sœurs, je crois, qui jouent à Montpellier. Qui a marqué. Ah, t'as raison, elles ont été recrutées. Qui a marqué un essai. Tout à fait raison. Ouais. Donc, la numéro 8, voilà. Romane Ménager. Ouais, ouais. Voilà pour le rugby féminin, et on va peut-être parler d'un autre exploit ce week-end. C'était du côté du rugby masculin cette fois-ci, avec les Irlandais qui rééditent l'exploit deux ans après l'exploit de Chicago, et là c'était en Irlande directement. Ouais, bon, après pour moi c'est un semi-exploit, enfin ça reste un exploit, mais c'est un semi-exploit parce que... Ça reste les Blacks. Certes, mais pour moi ce sont les deux meilleures nations du rugby depuis plus de 4 ans. Ont tutoyé une justesse technique, une intensité folle, c'était très beau à voir. Une ambiance formidable à l'Aviva Stadium, victoire donc 16-9 du 15 du trèfle. On a vraiment eu les All Blacks qui ont été mis au supplice, notamment en première mi-temps, puis après avec le fameux jeu irlandais, beaucoup de phases de jeu, on répète avec un petit beaucoup de passes, également du jeu d'avant, etc. Ils ont failli marquer deux fois en première mi-temps, puis ils ont réussi à la 48e avec Scott Dale qui a marqué le seul essai de la rencontre. Et ensuite c'est à partir de l'heure de jeu là aussi que les Blacks sont un petit peu réveillés, peut-être aussi que les Irlandais ont eu un coup de moins bien, dans leur orgueil peut-être, les Blacks. Ouais, ou peut-être aussi un coup de moins bien physique côté Irlandais, parce que c'était vraiment d'une grande intensité. Non, mais c'est souvent ça dans les matchs, il y a toujours à un moment donné l'équipe qui domine un coup de bien, et puis en face c'est les Blacks, et là, ils n'ont pas marqué parce qu'effectivement ils ont été héroïques en défense. Fighting spirit irlandais. Voilà. Là où les Irlandais ont été bons, c'est que justement ils ont su ne pas morfler au moment où ils étaient pas bien, et les Blacks un peu mieux. Ils ont fait ça, exactement. Ouais. C'est la bonne expression. Je trouve que dire que c'est un semi-exploit. Non, parce que je vais juste rapidement. Pour moi, en fait, c'est avec bien sûr les Blacks qui sont favoris à chaque Coupe du Monde. Pour moi, c'est l'équipe favorite. Ouais, ils ont une tête de champion. Cette question, même si on n'avait pas le temps, mais voilà. est-ce que l'Irlande fait partie des favoris cette fois-ci? Ah oui, pour moi, il y a. Alors que la Coupe du Monde et l'Irlande, c'est pas forcément le grand amour. Regarde ton magnifique sweatshirt. Oui, je fais exprès. Oui, non, tu fais bien de le dire. C'est une équipe qui a toujours eu du mal en phase finale de Coupe du Monde. Après être sorti des poules, après vraiment finalement avec des têtes moins connues, hein, je pense à l'époque des Brian O'Driscoll et d'autres joueurs, il me semble encore plus, il y a un collectif de dingue là. Ouais, ils sont encore très forts, plus solides, encore plus costauds. C'est tellement huilé avec Joe Schmidt là depuis plusieurs années que je pense qu'il pourrait jouer les yeux fermés, quoi. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant, ouais. En s'appuyant notamment sur leurs deux franchises historiques, la Leinster et le Munster, et donc je pense que c'est pas un favori non plus. Parce que en plus cette pression le réussirait pas forcément bien. Il y a un favori, très très gros outsider, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est le seul outsider réel. Parce Moi je mets l'Angleterre, l'Australie et l'Afrique du Sud au même titre que l'Irlande. Enfin, on va pas faire au même niveau pour moi aussi. Je suis d'accord avec Paul. Surtout avec l'expérience de la compétition. Tout à fait. Point. Bref, vas-y. Pas autre chose. Un autre sport. À deux autres sports, puisqu'ils sont regroupés sous les sports auto. C'est la WRC et le MotoGP qui ont eu lieu ce week-end. Max qui va nous faire un petit point là-dessus. Donc alors petit point, on va commencer par le MotoGP avec le Grand Prix de Valence qui était la dernière manche de la Coupe du Championnat du Monde, qui a vu la victoire d'Andrea Dovizioso devant Alex Rins et Paul Espargaro, qui en profite pour marquer son premier podium, Espargaro, et également offrir le premier podium à KTM. Ce qu'on peut noter pour le classement général qui était déjà décidé avec la victoire de Marquez, c'est la sixième place de Johan Zarco, notre Français, au championnat du monde, qui est pour la deuxième saison consécutive le meilleur pilote indépendant du plateau. Ouais. Donc à noter, belle performance. J'ai l'impression que Johan Zarco, c'est un peu le... C'est-à-dire qu'il n'a pas une écurie directement. Et du coup, il fait comment? Il a juste une... Bah, il se débrouille par les sponsors. Par lui-même, j'allais dire, par les sponsors. Ça, ouais. Ce qui est très rare. Il n'est pas affilié réellement à l'écurie. J'ai l'impression que c'est un peu sa place, Johan Zarco. Il fait souvent des grosses qualifs et puis les courses sont généralement vers cette place. Il a fait quelques pôles et après, oui, il descend un peu de niveau en course. Ouais. Après, un petit peu comme à l'image de la Formule 1, peut-être que pour arriver à tenir sur circuit, jusqu'à présent, ça lui, ouais, c'était pour monter en puissance et puis il n'avait pas une écurie derrière lui. Et maintenant, il ressent le besoin d'en avoir une, sachant que l'année prochaine, il rejoint un KTM et que je pense que ça peut lui donner un petit espoir, même si KTM n'est pas une des meilleures écuries, de voir que Espargaro, pilote KTM, termine sur le podium de la dernière course de la saison, même si c'est une course très particulière. Très particulière, oui. Très pluvieuse, beaucoup de drapeaux rouges, beaucoup de chutes. Notamment Marquez et Rossi. Donc c'était où, rappelle-moi? C'était à Valence, en Espagne. À Valencia. Ah oui, c'est vrai. Le truc que tu avais rajouté la fois dernière. Je pensais pas que t'aurais oublié. Voilà, et après le WRC, donc c'était l'actualité plutôt du week-end en sport automobile. Du coup, la dernière manche qui se dispute en Australie et qui couronnait le champion du monde. Donc, concernant la course, on va faire un rapide résultat. Le podium, c'est Yari Mathieu Latvala qui a remporté la course devant Aiden Paden et Mats Osberg. Latvala, il est encore là? Il est toujours là. Ouais. Les Finlandais sont toujours là? Oui, ils sont toujours là. Ouais, toujours. En rallye, toujours là. Latvala, 11e saison consécutive avec une victoire. Yes. Depuis 2008, toujours en Ça aurait pu être un quiz, ça. Une bonne question de quiz. Aïe aïe aïe. Non, mais c'est pas ça. Tout va bien alors. Et concernant le championnat du monde, on avait encore trois concurrents, c'était Sébastien Ogier, Ott Tanak et Thierry Neuville, les trois derniers concurrents. Et Thierry Neuville et Ott Tanak étant partis à la faute, Sébastien Ogier en terminant 5e a été champion du monde pour la 6e fois consécutive. Ouais. C'est bon ça. C'est sûrement son titre le plus compliqué. Sixième fois, ouais. Du coup, on peut penser qu'il va pas tarder à rattraper l'autre Sébastien Loeb. Qu'il a combien? 8 9 titres. Ouais, du coup, là, il est à 6. Et est-ce qu'il peut le rattraper ou pas? C'est possible. Ouais. Comment on peut expliquer ce désamour? Enfin, c'est pas un désamour, mais. Le peu d'intérêt. Le peu d'intérêt, parce que Sébastien Loeb, quand même, a fait plus pour les. Enfin. A beaucoup été plus médiatisé que peut-être Ogier et on en avait une meilleure image et l'impression et Ogier tout l'inverse. Il y a eu un sondage là j'ai vu ça qui est paru il y a pas très longtemps. Il y avait des contentions entre les deux mais que les Français préféraient quand même encore toujours Sébastien Loeb. Alors l'écart est pas monstre non plus mais Sébastien Loeb c'est aussi une figure médiatique qui a fait Ogier une icône à la télé, fait des pubs tout ça. C'est ça, Ogier il soigne beaucoup moins son image que Loeb. Et Colin McRae quoi. Qu'est-ce qu'on en pense, lui? C'était pas un jeu, ça, Colin McRae? Si, c'était un jeu. C'est toujours, je crois, d'ailleurs. C'est toujours une franchise, hein, je crois. WRC. Non, mais oui, Ogier passe en second plan. On a déjà parlé un petit peu. Il va pas avoir quatre chemins, lui. Hein. Non, mais pas en second plan. Mais, non, mais moi, avec regret, je trouve bien sûr que Sébastien Loeb est une grande personnalité, a un palmarès qui est incroyable. Pour autant, ce que fait Ogier, c'est exceptionnel aussi. Oui. C'est 6 titres consécutifs. Personne ne pensait le record de Loeb atteignable. Maintenant, ça devient tout à fait possible pour lui. Quel âge il a, Ogier? Il a 34 ans. Et c'est aussi qu'on a réussi à enchaîner derrière Sébastien Loeb, à rester au plus haut niveau et à être la nation qui domine la discipline depuis si longtemps. C'est du coup, je pense qu'au-delà de la personnalité, il y a aussi le côté force de l'habitude et que c'est un sport peu diffusé. Donc, bon, Ogier gagne, tant mieux. Il y a intérêt qu'il gagne. Ouais, c'est vrai. Pourtant, c'est l'un des rares français au final, par rapport au contingent finlandais, du coup. C'est un des meilleurs palmarès de ces dernières saisons. C'est ça, les gens, ils s'habituent à la victoire, ils trouvent ça normal. Je pense que c'est une possibilité. Je pense que c'est ça. On a même tendance à les oublier quand on parle des plus grands sportifs français. Quand on parle de Fourcade et Riner, c'est vrai que Loeb est tout aussi légitime avec 9 champions du monde. Loeb, c'est 9 d'affilée aussi? C'est 9 d'affilée et 6 d'affilée pour Ogier. C'est depuis 2003, Peter Solberg. Cette année, je crois qu'il y a 2 semaines, Loeb revient pour une course et va gagner. Il gagne. C'est plutôt bon signe pour Ogier parce qu'il a signé chez Citroën la saison prochaine. Vu que Citroën était un peu en dessous cette année, mais Loeb a aussi à gagner avec une Citroën. C'est plutôt bon signe pour lui. On a parlé d'un sport du coup avec des Finlandais, un autre sport où les Finlandais sont plutôt bons, c'est des sports d'hiver, non? Sur une surface blanche. La poudreuse. Effectivement, Cette transition. Les Finlandais sont bons, les Scandinaves, disons. Finlandais, mais tu fais bien de dire Finlande, parce qu'on terminera la rubrique sport d'hiver en parlant de ski alpin, et c'était en Finlande, à Lévis. Voilà, c'est pour ça que je... Mais c'est pour ça, je sais que tu, bien, tu maîtrises tout. Et on va démarrer du coup avec... donc il y aura trois disciplines ce soir, saut à ski, patinage artistique et ski alpin. Vous allez vous régaler, les gars. Et donc on va démarrer avec le saut à ski. Donc c'est le début de la saison. C'était la première manche qui avait lieu du côté de Wisła en Pologne, qui est l'une des terres de la discipline. Et ce premier concours donc nous a livré une belle surprise, sachant que ça a été la première victoire de la carrière du Russe Evgeny Klimov. Et le Polonais Kamil Stor, qui est la star de la discipline, lui a échoué au pied du podium. Le meilleur classement de Klimov jusqu'à ce jour, c'était une 3ème place en janvier 2017. Donc c'est une belle perf pour celui-ci qui monte en puissance. Il emporte devant l'Allemand Stefan Ley et le Japonais Kobayashi. Et par équipe, c'est la Pologne sur ses terres qui s'est imposée assez tranquillement avec 1026,6 points, menée donc par un grand triple champion olympique Kamil Stor, accompagné de Zila, Volny et Kubacki. Et il emporte du coup les Polonais devant l'Allemagne de Richard Freitag et l'Autriche de Stefan Kraft. À noter que, ne me demandez pas pour les Français, il n'y avait aucun Français, ni dans l'épreuve individuelle ni par équipe, je n'ai pas cherché la raison précise, qui ont participé à cette première manche de la Coupe du Monde. Depuis 10 ans et demi chapitre. Même s'il est vrai, c'est pas notre domaine. D'ailleurs, tu fais bien de le préciser, c'est le combiné nordique. Ouais. Et je pense qu'il serait d'autant plus difficile, y compris pour moi, je vous l'avoue, de citer des gars qui font du saut à ski à haut niveau en France. Primoz Roglic, ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ski, ouais. Tu fais bien de le dire. Les Slovènes sont une grande nation de saut à ski. On arrête toujours à parler de cyclisme, même quand on n'a pas. Théo nous le dirait, qui suivait ça de près. Je sais que lorsqu'il était en Erasmus, il allait à des compétitions de saut à ski et que là-bas c'était impressionnant. Donc, ensuite, le deuxième sport à évoquer ce soir, c'est donc le patinage artistique, où c'était le Grand Prix de Russie ce week-end, qui est donc un des grands prix importants de l'année. Ça va sans dire, la Russie, grand pays de patinage. Et c'est le champion olympique Yuzuru Hanyu, déjà vainqueur au début du mois Helsinki, qui a remporté à Moscou ce encore grand en Finlande. Prix. Ouais, pas tout à fait. Après, Russie et Finlande se touchent, très cher Flo. Helsinki, dernier titre. Voilà. Ouais, bien vu, effectivement. Et après tout avoir survolé le programme court, record du monde pour Hanyu à nouveau, qu'il bat, le Japonais s'est facilement imposé devant un Géorgien, j'ai été surpris dans la discipline, Gveti Lelashvili. Pour moi, je suis plus habitué au joueur de rugby normalement pour la Géorgie, et un autre Japonais, Kazuri Tomono. Les champions du monde en titre en couple, les Russes Tarasova, Morozov, vous allez voir, après ça a été Russie jusqu'au bout, et la jeune championne olympique Alina Zagitova, record du monde du programme court, sont sortis également vainqueurs du Grand Prix de Russie. Et en danse sur glace, le couple russe Alexandra Stepanova et Ivan Bukin, deux fois médaillés de bronze aux Europes, ont complété le grand week-end de l'équipe russe et ont réalisé un record du monde avec pas moins de 124,94 points. Et enfin, donc, la grosse actu sport d'hiver de ce début de saison et de ce week-end, c'était le ski alpin avec le slalom de Lévis. Chez les femmes et chez les hommes, et j'ai envie de dire aucune surprise pour démarrer la saison, sachant que chez les femmes c'est Michaela Schifrin, l'américaine. Attends, qui s'est imposée. J'ai pas vu le résultat, mais je suis sûr que chez les hommes c'est Marcel Hirscher. Bien vu, c'est Marcel Hirscher. C'est Marcel Hirscher qui continue à écrire sa légende. Et donc chez les femmes, Schifrin s'est imposée devant Petra Vlova et Bernadette Schild, la meilleure française. Ça va faire un petit peu de la peine, je l'avoue, 25e. C'est Adeline Beaumunier qui s'est classée 25e à 3 secondes 79 centièmes de Michaela Schifrin, intouchable pour la concurrence. Et chez les hommes, du coup, Marcel Hirscher s'est imposé de manière assez classique. Si tu nous as bien suivi l'année dernière, tu aurais été peut-être même capable de donner le nom devant Henrik Kristoffersen. T'as pas laissé dire. Qui est un peu le pool leader du slalom derrière Hirscher. Ça doit être dur pour lui. J'ai encore placé du cyclisme. Et donc le Suédois André Mirer qui termine 3e et qui est le champion olympique de la discipline, sachant que Hirscher et Kristoffersen étaient sortis de la manche olympique. T'as pas, pour les Français, justement, c'était ma petite question pour vous. Le classement des Français, le meilleur Français a été Jean-Baptiste Grange, 5e, qui a été deux fois champion du monde. Bien sûr. Et qui a surtout remonté pas moins de 13 places entre les deux manches. Il était 18e de la première manche. Il fait 5e au final. finale. Par contre, déception d'un autre côté, sachant que après la première manche, Clément Noël, qui est un jeune espoir français, était troisième et Victor Mufajandé quatrième, et ils sont sortis à quelques portes de l'arrivée, à la même porte d'ailleurs, donc erreur pour l'équipe de France au même moment de la course, alors que au vu des temps de passage, ils étaient vraiment proches de monter sur la boîte, de monter sur le podium. Donc petite déception pour les Français. Et puis je vais vous demander en 30 secondes, est-ce que vous pensez malgré tout que cette équipe de France de ski alpin, au vu de ce qu'elle nous a montré jusqu'alors, est en mesure de monter sur quelques podiums cette saison? Oui, bien sûr. Bah oui, quand même. Et voilà, et puis sachant qu'on a quand même des bons gars, Tadi Pinturo, bon, il est sorti dès la première manche cette fois-ci, mais normalement s'il arrive au bout, il peut faire des places. Je voudrais répondre avec une question. Est-ce que c'est pas inquiétant un peu que Jean-Baptiste Grange est le meilleur français sur ce coup-là? Au contraire, Jean-Baptiste Grange, champion du monde quoi, 2009-2011, je crois, Je commence à se faire vieux dans la discipline, c'est pour ça. Il s'est vieux, mais l'âge a pas trop d'impact. On pourrait citer, comment il s'appelle l'américain déjà, Ted Ligeti. Ah non, mais Bodémiller, Hirscher, il a pas 20 ans. DJ Kuch aussi chez les Suisses, non? Assez vieux, non? C'est pour ça, l'âge, Non, l'âge effectivement, ça joue à partir d'un moment quand même pour la régularité des performances au plus haut niveau, mais ça n'empêche pas. Et moi je vais te répondre que je pense pas, sachant qu'au final quand on voit les premières manches, la jeunesse, Noël et Mufajandé, c'est 3ème, 4ème. Bon, il faut une petite erreur sur la fin du tracé, mais ils étaient à deux doigts de monter sur le podium. Et Pinturo sort dès la première manche, s'il arrive au bout du tracé sur les deux manches, bon, c'est facile de dire des si, mais voilà, a priori Pinturo ce sera des podiums dans la saison quand même. Bien sûr, mais peut-être même va chercher une ou deux victoires. Pinturo chaque année arrive au moins à choper une première place, ça c'est sûr. C'est typique français, puis c'est aussi le début de saison. On a encore un paquet de slalom qui arrive et d'autres compétitions, donc moi je me fais pas souci sur des potentiels podiums pour l'équipe de France. Non, puis bon, en ski voilà, tu peux avoir une journée sans et le lendemain tu gagnes, voilà, c'est un sport qui ça se veut aussi comme ça quoi. Ça vaut pour les Français. Sauf si t'es vraiment le très grand champion qui écrase ta discipline, mais bon. Hirscher rate rarement. Christophersen rate rarement. Pinturo justement, c'est le cliché français, c'est-à-dire qu'il c'est peut-être un des plus talentueux de tous, mais on qui s'en va pas nos voisins italiens souvent dans cette discipline de ski, non. Peut se manquer aussi. Bah, c'est côté même si on a maintenant une équipe plus compétitive que l'Italie en ce moment. On a une. Après, notamment, ils concourent encore Manfred Mulk. Et Stefano Gross aussi. Ils sont toujours là. Comment il s'appelle le français qui s'est fait virer par l'équipe de France? C'est pas Mathieu Fèvre. Mathieu Fèvre, voilà. Justement, tu fais bien de le dire. Moi, je pense que c'est sur le slalom géant, qui est la discipline donc, notamment de Mathieu Fèvre, mais aussi d'excellence de Alexis Pinturo, où on a le plus de chances, surtout d'enchaîner les bons résultats. Parce qu'ils sont vraiment souvent dans le coup, au moins pour le podium. Sur le slalom, ce qui peut jouer, des troisièmes places, on pourra en faire, mais c'est que Hirscher et Christophersen ont l'air vraiment d'être sur une autre planète. Rien que pour vous donner l'écart, Hirscher, Christophersen, l'écart entre les deux hommes sur ce slalom de Lévis après deux manches, c'est 9 centièmes. 7 centièmes sur la première, 2 sur la seconde. Dur d'ailleurs pour Christo. Et André Mireur, son pote Christo. c'est comme ça qu'on l'appelle. Il a monté la montagne, il a monté Christo. J'enchaîne avant d'aller sur un autre sport justement, alors qu'André Mireur 3ème est à plus d'une seconde de 30-40. Ah oui, ouais, d'accord. Ok, il est temps d'enchaîner avec l'avant-dernier sport qui est le Masters de Londres, donc le tennis évidemment, avec ces deux finales qui ont eu lieu hier, en clair d'ailleurs, sur les chaînes publiques. Zverev contre Djokovic en finale donc des Masters de Londres, victoire 2-7-0 pour Zverev contre Djoko, 6-4-6-3, une victoire un peu surprise on peut le dire pour le jeune allemand, tant le Serbe a tout de même dominé une grosse partie de la saison. Il était stratosphérique tout simplement. Et même s'il y a eu une petite embrouille donc pour Zverev en demi-finale, je sais pas si vous avez suivi un peu le cas avec un ramasseur de balles et qui s'est mis à dos le public de Londres, ça ne l'a pas empêché de se reprendre ce dimanche et de s'offrir son plus gros titre de sa carrière, sa jeune carrière d'ailleurs. Petite question pour vous, Zverev est promis un avenir donc de numéro 1 mondial. Est-ce que l'année prochaine, c'est déjà l'année du Grand Chelem pour lui? Enfin, on ne sait pas. Gagner Master. Parce que Zverev a quand même du mal. Ouais, mais... ouais, il a du mal à confirmer. Non, beaucoup de grands chelems, c'est 3-7 aussi. Puis moi, je pense quand même que Djoko, il sera toujours là. Nadal sera aussi toujours là. Federer, bon, même si. C'est toujours là. Non, mais même s'il est déclinant. Même s'il est déclinant, après Roland Garros, dans 15 ans aussi. Agassi, toujours là. C'est fini, mais sur l'Open d'Australie ou Wimbledon, ou même l'US Open, Federer, il peut toujours être là. Et puis bon. Enfin après ouais ça, mais ça veut rien dire parce que par exemple Dimitrov ça devait être le nouveau Federer et après moi je mets pas Zverev et Dimitrov sur non, le non, même enfin, bon, Dimitrov ça fait 5 ans qu'on en parle de lui oui aussi. Mais bon Zverev il peut mais de là à dire qu'il va je pense qu'on sait jamais moi, c'est un peu tôt. Moi je dis pas il va mais il faudrait pour lui oui. En fait, il faudrait qu'il passe un cap. Ça, qu'il aille gagner. Il reste quand même bien jeune. Ce serait bien. Qu'il aille gagner un ou deux Masters 1000 pour se mettre en confiance. Déjà. Mais après, ouais, il a déjà gagné deux Masters 1000. Pas mal. Et, non, mais voilà, qu'il confirme là-dessus. Qu'il mettra en confiance justement avoir un grand chelem. Et qu'il puisse franchir le cap. Parce qu'il n'a jamais fait de finale, le grand chelem. Même de demi-finale. De, si, demi-finale, si, peut-être. Non, je ne pense pas. C'est ça que moi, je ne suis pas en train de. Il a fait un cœur. On dirait que je m'adresse à lui. Je ne suis pas en train de lui demander qu'il aille gagner un grand chelem. Par contre, qu'il aille chercher au moins, au minimum, une ou deux demi-finale en grand chelem cette année. C'est au vu de son rang mondial, ce serait important pour lui. Parce que s'il faisait tous les derniers carrés, ce serait déjà pas mal. Parce qu'il a quand même gagné 3 Master 1000, Rome, Montréal et Madrid, ce qui à son âge et même dans le tennis mondial actuel, alors que non, c'est le top 4 qui avait tout gagné les Master 1000 dernièrement, c'est quand même énorme pour lui. Alors après, c'est vrai qu'au niveau des grands chelems, un 16e de finale à l'Australienne, un quart à Roland, un 8e à Wimbledon et un 16e à l'US Open. Voilà. Bah, il faut croire qu'il a du mal, à s'adapter au match un petit peu long en 3-7 gagnant. Ça semble prouver. Après, c'est quand même intéressant parce qu'il a l'air d'avoir une certaine polyvalence. Il était plutôt bon en terre battue. Je crois qu'il y a un de ces deux Master 1000 qui gagne sur la surface. Rome. Justement. Et là, il va chercher le Masters de Londres sur dur. Et puis, effectivement, il ne faut pas minimiser cette performance parce qu'en demi-finale, il tombe Federer. Déjà, ce n'était pas gagné, mais je n'ai pas été si surpris non plus. Par contre, être capable d'enchaîner Federer-Djokovic, d'ailleurs, c'est la première fois qu'il arrive à remporter puis les deux matchs consécutifs contre deux membres du top 3. Oui, c'est en Masters, là. Ouais. Non, c'est Djokovic qui sort Federer. Non, c'est Zverev. Djokovic sort Raonic. Anderson. Oui, c'est vrai, autant pour moi. Justement, 6-2, une fessée, je crois même. Oui, 6-2, si je ne me trompe pas. Mais non, mais c'est pour ça que je le dis. C'est que Zverev, en deux jours, tombe Federer et Djokovic. C'est quand même quelque chose que j'aurais pas vu. Avec l'ampleur du score en finale en plus. Oui. Okay. Alors que Djokovic n'avait pas perdu un set. On va peut-être parler un peu de cette finale du double cette fois-ci parce qu'on avait des Français engagés. Les deux plus gros, on va dire, doubles du circuit, si on peut le dire comme ça, qui avaient rendez-vous donc en finale des Masters et avantage à la paire américaine, Sox-Brian, qui s'impose au set décisif contre Mahut et Herbert, on les cite. On pourra déplorer un peu la défaite, surtout que les Français avaient de quoi s'imposer, mais la première balle des Français était à 41%. Ce qui est vraiment très faible dans le tennis, trop faible pour pouvoir s'imposer. À ce niveau-là, surtout. À ce niveau-là, une misère. Ouais. Une petite question aussi, est-ce que la paire française est-elle la plus grande chance de points pour la France ce week-end en Coupe Davis ? Oui. Assurément. Oui. Assurément. Il n'y a pas photo. Il y a pas photo. Non, mais même il vaudra mieux pour nous qu'il gagne. Il vaut mieux pour avoir une chance. S'il ne gagne pas le double, c'est mort. Hein, je pense. D'ailleurs, ce serait bien d'avoir une statistique, savoir si l'équipe de France a déjà gagné ou si elle a perdu son double, est-ce qu'elle s'est qualifiée par la suite. Si tu trouves une statistique comme ça, voilà. Nous sommes là. Ouais. Non, mais là, Sport & Chill, s'ils veulent le mettre. Oui, c'est intéressant de manière générale, mais aussi pourquoi on dit ça au-delà des statistiques et du fait que le double en Coupe Davis est souvent clé. C'est parce qu'il y a deux excellents joueurs de simple qu'on va devoir, jouer avec Coric et Cilic. Oui, c'est ça. Ah oui. Allez, on va passer les outsiders cette fois-ci. Aux autres sports, il y en a 1, 2, 3, 4, si je ne me trompe pas, mon cher Romain. Et on va commencer avec un sport de combat, la boxe. Et on va démarrer avec un sport de combat avec la boxe. Et l'Ukrainien, c'était le week-end dernier, Alexandre Ushik a remporté brillamment son combat face au Britannique Tony Bellew afin de conserver son titre de champion du monde dans la catégorie des lourds légers et ainsi les ceintures WBC, WBA, WBO et IBE de la catégorie. Il confirme ainsi sa réputation de stratège en concluant de fort belle manière la rencontre d'un enchaînement dont il a le secret, droite-gauche au niveau du menton. Et c'est ainsi à la 8e reprise Kusic a accéléré le rythme et s'est montré efficace pour placer des coups fatals à son adversaire du jour. Donc c'était une des grosses perfs, un des derniers grands combats. Derrière, à noter également que dans la catégorie des mi-lourds, le russe Sergei Kovalev s'est adjugé la ceinture WBO de champion à New York, un titre vacant qu'il a récupéré aux dépens de Vyacheslav Chabranski pour celui qui avait été défait récemment face à André Ward. Le bilan de Kovalev, que Guy Bialès appréciera forcément, c'est 30 victoires dont 26 avant la limite pour 2 défaites et un nul, plutôt propre. Enfin, pour terminer sur la boxe, Tony Yoka est classé sans combattre d'ailleurs, c'est un peu la spécificité de la boxe, désormais au niveau professionnel en WBO. Il apparaît au 15e rang, ce qui veut dire qu'il pourrait être éligible pour combattre pour la ceinture face au champion WBO des lourds, le néo-zélandais Joseph Parker. Après, voilà, j'ai bien noté que c'est souvent les sponsors qui poussent pour qu'on fasse partie d'une catégorie ou d'une autre, et que ce n'est pas pour ça que Tony Yoka, seul français, je crois, représenté, serait forcément le meilleur français professionnel des lourds. D'accord. Un autre sport, on en a parlé la semaine dernière, et c'était la fin, on va dire, où je crois que ça, certains ça y sont encore. Hein. Ouais. En plein dans l'Atlantique, c'est la route du Rhum. C'est la route du Rhum, après la victoire donc, de Francis Joyon devant François Gabart, dont on avait parlé la semaine dernière en catégorie ultime. Ouais. C'est le francilien Paul Meilla. J'ai été surpris parce qu'il est de Créteil, pour un marin ça peut être surprenant, qui s'est adjugé la victoire chez les IMOCA. Alors les IMOCA, je suis allé vous chercher ce que c'est, ce sont des monocoques de 60 pieds, c'est à peu près 18 mètres, plus de 18 mètres je crois, 18 oui, c'est mètres, la 28. deuxième domaine, grande catégorie. Dans cette route du Rhum. Et donc le skipper a géré parfaitement sa course et a su profiter surtout de la pénalité infligée, je sais pas si vous avez vu ça, à Alex Thompson, 48 heures, à qui la victoire était promise. Moi je crois que c'est 24 heures. Pourquoi donc? Parce qu'il s'est échoué près de la Guadeloupe et il a fait usage de son moteur pour repartir en course. Visiblement il y aurait une histoire, je suis pas allé voir les détails précisément, mais il se serait peut-être endormi. Très dur pour celui-ci qui a mené la course de bout en bout et qui arrive avant Paul Meilla, mais au vu de la pénalité, c'est le Français qui s'impose. D'accord. Donc, outsider de la course sous la houlette de Michel Desjoyaux, Meilla a rallié l'arrivée et pointe à pitre à plus de 14 nœuds de moyenne samedi à 1h23 heure métropolitaine. Et il a réalisé la traversée de l'Atlantique en 12 jours, 11h et 23 minutes, ce qui est à peu près pas loin du double de la catégorie ultime, ce qui montre la différence entre les différents types de bateaux. En catégorie multi 50, Armel Tripon a remporté la route du Rhum devant Erwan Leroux et Thibaut Vauchel-Camus. Le Nantais Tripon a été le troisième arrivé à pointe à pitre et le premier, donc ne faisant pas partie de la catégorie ultime. En catégorie ultime, il faut noter que Thomas Coville devrait franchir la ligne d'arrivée dans les prochaines heures et ainsi compléter le podium. Surtout enfin, en classe 40. En classe 40, j'y viens. C'est l'Hérolté Quito de Pavan dont on va parler du résultat, qui est sur Making Midi. Et alors, il était quatrième vers la mi-journée. J'ai vérifié, il est passé malheureusement cinquième. Oui, mais il est au coude à coude avec le quatrième Arthur Levaillant, à 500 000 nautiques de l'arrivée. Ça va être compliqué pour lui parce qu'il a cassé son spi et il est en galère. Pour justement, c'est pour ça qu'il a perdu du temps. Il y a 2-3 jours, il était 3ème en plus. Il y a un peu plus longtemps, Mais et sachant que la concurrence derrière est assez proche aussi, donc bon, s'il arrive à finir finalement 5ème ou 6ème, ce sera déjà une belle performance. Et donc, cette catégorie de bateau est dominée depuis le début de la course par Johan Richom, auquel on ne souhaite pas le même sort qu'à Gabart ou à Alex Thompson. Très bien, il y a un autre sport qui est plus connu, si on peut le dire comme ça, c'est la NBA. C'est la NBA, on y reviendra quasiment populaire, chaque semaine. Populaire, en effet. Et donc à l'ouest, ça bouge. Golden State, champion en titre, est facilement en tête depuis le début de la saison et sur une pente difficile depuis une bonne semaine, en l'absence notamment de Steph Curry et Draymond Green. Cette nuit, les Warriors ont notamment concédé leur 5ème défaite en 7 matchs, 104-92 contre les San Antonio Spurs. Il lance ainsi la place de leader de la conférence Ouest à une surprenante équipe de Portland menée par Damian Lillard, seul joueur à avoir atteint les 40 points à 3 reprises cette saison et dont le rôle a été prépondérant dans la victoire obtenue sur le parquet de Washington 119-109. Du fait de l'irrégularité des ténors à l'Ouest, la conférence est pour le moment plus indécise que jamais. Toutes les équipes hormis les Phoenix Suns semblent avoir des opportunités pour se glisser dans la course aux playoffs. À ce jour, les Spurs et les Rockets de Houston ne seraient pas qualifiés, par exemple. Dimanche, auteur d'un carton contre Miami 113-97 avec pas moins de 51 points, LeBron James a livré sa meilleure perf avec les Lakers et entre à 33 ans dans le club fermé des 5 meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA. Enfin, à l'Est, la grande affiche de la semaine opposée Toronto à Boston. Victoire de Boston, mais Toronto garde la tête jusqu'à présent. Et la dernière info sur l'Est, c'est que les Brooklyn Nets ont perdu lundi dernier, donc c'était juste après l'émission, dans la nuit suivante, à Minneapolis, leur meilleur joueur, Caris LeVert, et donc sans doute une chance de se qualifier pour les playoffs, ce qui pourrait profiter à Orlando, Miami ou le Charlotte de Tony Parker. Très bien, et dernier sport, et non pas des moindres, puisque ça se concourait à Montpellier, c'était les championnats de France de natation qualificatif. Merci. Pour les champions décidément, du monde. Ce soir, j'écorche la langue française. pour les championnats du monde, en effet, merci. Pour les championnats du monde, et donc honneur à Montpellier, je vais commencer avec une nageuse qu'on a d'ailleurs déjà reçue, c'est la pensionnaire de la SPTT Montpellier, Fanny Deberg, qui a remporté, et on la félicite, le titre national dans le bassin de la piscine Antigone sur le 200 mètres brasse. Oui. Dans les résultats notables de ces championnats de France à Montpellier, il y a également Jérémy Stravius qui a décroché deux médailles d'or dans ces championnats en 50 mètres d'eau et en 200 mètres 4 nages. Il est important effectivement de préciser que c'était en petit bassin, 25 mètres. Mehdi Metella a également amélioré sa marque en battant le record de France du 100 mètres papillon en 49-58. Et surtout, Charlotte Bonnet ressort comme la grande nageuse de championnat de France, sachant qu'elle a remporté pas moins de 5 titres en petit bassin, écœurant toute la concurrence, dont le record de France du 50 mètres brasse. C'est pas la première année qu'elle fait ça, en effet. C'est pas la première fois, d'ailleurs. Et avec, en conclusion, le titre et le record de France en 100 mètres 4 nages en 58-67. Petite anecdote, c'est à noter également la belle performance de Louise Lefèvre, qui est devenue championne de France du 200 mètres d'eau seulement à 15 ans. Ça fait rêver. Et puis pour Charlotte Bonnet, j'y reviens en faisant le lien avec les championnats du monde qui auront lieu en Chine. Ça paraîtrait notre meilleure chance, mais elle a décidé de ne pas participer, de passer l'hiver au chaud, comme j'ai vu qu'on dit certains de nos confrères. Et donc l'équipe de France pour ces championnats du monde. Au fait que c'était au petit bassin aussi, je crois, qu'elle n'a pas concouru. Ouais, c'est bien possible. D'ailleurs, visiblement, elle était assez fatiguée à la fin des championnats de France. Elle le disait elle-même. Peut-être et donc ça, l'équipe de France pour les championnats du monde en Chine sera composée de Fantine Le Saffre, Mathilde Sini, Mélanie Hennick, Lara Grandjean, Thibaut Capitaine, Damien Joly, Mehdi Metella et enfin David Aubry qui a récupéré le dernier ticket lors de ces championnats de France. Ok, très bien. Parfaite conclusion et parfaite transition puisqu'on va parler de Montpellier tout de suite. C'est l'Espoir Montpellier. Sport and Chill, le sport montpelliérain. Et on va commencer avec ce petit bilan de la semaine. Oui, un petit bilan puisqu'il n'y avait pas beaucoup de matchs ce week-end en Sport Montpellier-Rhin. On a eu une seule défaite et trois victoires donc pour cette semaine. Pas de nul, non, rien du tout. Le Hand aussi le Hand, oui, mais ça je l'ai mis en. À part, c'est pour ça que. C'était contre Tremblay. Mais tu. Ouais, tu fais bien de le dire en effet. Pas de jeu de mots, s'il vous plaît. Du coup, ça serait a priori une défaite, un match nul et 4 victoires, si on compte le Hand avec. On va commencer avec cette défaite donc. 3 victoires. 3 victoires, 4 victoires, parce qu'il y a en plus le MHB qui a gagné cette semaine en contre Rennes-Écart, tout à fait. Voilà, c'est pour ça. Bravo. Allons-y. Donc, défaite du Montpellier Futsal, c'est la première défaite de l'année, après la semaine dernière où ils ont fait un petit match nul. Donc, c'est en Alsace qu'ils ont perdu contre. Moi, je dis Alsace, mais a priori, c'est ça, à Pstadt, 5-3. donc, je suppose que c'est en Alsace ou pas loin en tout cas. Première défaite de l'année, donc pour le futsal, mais sans grandes conséquences, ils sont toujours premiers. Ouais. Et solide au classement. Le match nul, on en parlera tout à l'heure, et du MHB donc. Et la victoire, j'en note 3, le MHSC féminin qui gagne 5-0 pardon, contre Rodez et qui remonte à la 7ème place. Avec un triplé de Lebihan. Ouais, on avait vu un MHSC assez. Avec un début de saison assez compliqué tout de même, avec de nombreuses défaites d'affilée, et ça remonte bien. Ça va leur faire du bien. Ça monte bien avec une 7ème place pour l'instant. Une autre victoire est importante aussi, c'est la victoire du volley. 3-7-2 contre Chaumont. Est-ce que ça serait l'année du volley? À voir par la suite, parce que c'est encore un début de saison c'est bien lancé, pour ce sport. Donc c'est une seule question qu'on peut se poser, avec une 3ème place au classement, mais une victoire de prestige ce week-end donc contre Chaumont, qui est quand même un habitué du haut de classement dans le championnat de France de volley. Et dernière victoire, c'est celle des Vipers, 3-2 contre La Roche-sur-Yon. Un bilan non, pour l'instant des Vipers de 4 victoires et 6 défaites pour un promu. Donc c'est assez intéressant tout de même, même si le ratio est plutôt en faveur des défaites. Une 10e place sur 14 qui permet à Montpellier d'espérer rester en division 1 de hockey, qui je le rappelle n'est pas la première division et qui est la Ligue Magnus. On va passer donc au MHB, qui ont eu 2 matchs cette semaine. Donc en semaine, c'était Rhein-Neckar. Une victoire qui fait du bien. Une victoire qui fait du bien. Donc une semaine qui commence bien pour avec le retour du MHB aux affaires en Ligue des Champions. Donc après une victoire contre les Allemands de Rhein-Neckar. C'est cette semaine et ça les replace pour les 8e de Ligue des Champions, puisqu'ils recevront bientôt Brest et Kristianstad, qui sont peut-être les deux équipes abordables et qui peuvent passer, qui ne peuvent pas passer d'ailleurs dans le groupe. On les reçoit bientôt, ça devrait a priori faire passer Montpellier, s'il y a victoire évidemment, faire passer Montpellier au-dessus de ces deux clubs. Qui serait synonyme de qualification puisque 6e place. La victoire contre Rhein-Neckar était primordiale, ils l'ont fait. Mais c'est dommage qu'ils aient pas pu enchaîner ce week-end, mais tu vas y venir. Je vais y venir, c'est le championnat, donc ce beau résultat qui était terni, plus que terni, ce week-end contre Tremblay. Terni par Tremblay, ouais. Ouais, pourtant ils portent plutôt mal leur nom, a priori Tremblay, qui est un des promus, je crois pas de cette année, mais de ces dernières années en D1 de handball. Ils sont en fin de classement. Et ouais. Ils sont toujours en fin de classement et ils ont joué des mauvais tours à Montpellier avec un match nul. Normalement, un match que Montpellier aurait dû gagner. C'est un score un peu inquiétant et même décevant cette fois-ci pour le MHB. Bon, j'avais tendance à dire que le MHB pouvait faire quelques résultats On aurait pu dire que le match contre Rhein-Neckar allait lancer leur saison. Ouais. Et là, c'était l'occasion justement de confirmer tout de suite à Tremblay. Malheureusement, ils n'ont pas su enchaîner. C'est une déception pour les joueurs, pour le club, pour Canaillé. Je trouve que c'est un enchaînement étonnant quand même. Arriver à se retrouver aussi bien contre Rhein-Neckar et avoir comme une espèce de phase de décompression où on lâche le nul contre Tremblay. Et puis là où c'est décevant, c'est que bon, on souhaite cette qualif en Coupe d'Europe et maintenant on a peut-être un petit peu plus notre destin en main en battant une équipe compétitive comme Rhein-Neckar. Et à l'inverse, en championnat, on fait un peu du surplace et on est toujours derrière. Pourtant, on n'avait pas des mauvais résultats en championnat, mais une défaite contre Tremblay qui n'est pas dans les mœurs de l'histoire du MHB, c'est très inquiétant. Honnêtement, c'est un match nul, mais pour moi, c'est perçu comme une défaite. Parce que tant les points qui sont perdus en championnat sont vraiment primordiaux, parce que les défaites sont interdites vraiment, donc le match nul c'est un peu mieux digéré, mais face à Tremblay ça paraît comme une défaite malheureusement. Donc voilà, c'est cette semaine un peu du MHB en demi-teinte. Ils se replacent pour la Ligue des Champions, mais loin de là, ils ne se replacent pas du tout pour le championnat. Mmh. Et c'est peut-être, on va pas dire qu'ils vont peut-être plus revenir en tête du championnat, mais ça semble déjà un peu compromis. Ouais, le titre, ça semble compromis pour cette année, oui. Pour les deux tableaux, je pense. Ouais. On va finir avec le BLMA. On va faire un petit focus cette semaine sur le basket féminin à Montpellier. On en avait fait un l'année dernière. On avait parlé d'un recrutement XXL du BLMA avec de nombreuses arrivées, de nombreuses recrues, un nouveau logo, des nouveaux maillots. Enfin, je veux dire, c'était énorme. Alors que la saison avait été difficile. Justement. Alors que la saison a été très très difficile avec je crois qu'au niveau de la Coupe d'Europe, ils ont fini dernière à 8 sur 8. Et en championnat, c'était mi-tableau, alors que normalement, on les a connus un peu plus haut dans le classement du podium. En effet. Donc actuellement, en championnat, elles sont première égalité en points avec l'Ogre, si on peut les appeler comme ça, Bourges. 4 victoires pour une défaite des Gazelles en ce début de championnat. Et en Europe, c'est pas mal aussi. Un classement en Eurocup. L'Eurocup, attention, c'est la petite Coupe d'Europe. Donc il faut le souligner. L'Europa League. L'Europa League, en effet. Les Gazelles sont premières devant l'ASVEL féminin, les Allemandes de Kaltern et les Hongroises de Szeged. Donc plutôt pas mal pour les Gazelles en ce moment. Au niveau des recrues, donc j'en ai parlé l'année dernière, on avait plusieurs internationales françaises et trois internationales qui cartonnent toujours avec le BLMA, qui sont Elena Siak, Chao Chang et Mi Yang, qui sont toujours sélectionnées avec l'équipe de France, qui ont joué ce week-end et qui enchaînent les performances. Celles qui enchaînent les performances encore plus, c'est les Américaines qui ont été recrutées. C'est Sammy Whitecombe, mais aussi Taylor Wurtz, toutes deux recrutées par l'ancienne Edwige Lawson-Wade. Ouais, je pense qu'elle a fait beaucoup de bien aussi au BLMA. Ouais, qui fait beaucoup de bien, la Française qui revient après avoir joué dans le club. Bien sûr. Et c'est des grandes performances surtout pour Sammy Whitecombe qui enchaîne au niveau des stats des très grosses performances, notamment au premier match, je m'en rappelle, j'avais vu ça, c'était pas mal. Et on va finir aussi sur l'affaire qui secoue, entre guillemets, le BLMA cette dernière semaine. C'est l'affaire Rachid Méziane, qui était l'entraîneur du BLMA, et qui n'est plus sur le banc du LAT Montpellier ces derniers matchs. La direction du BLMA a confirmé dans un communiqué, on avait parlé la semaine dernière, avoir convoqué son entraîneur à un entretien préalable de licenciement, afin qu'il s'explique sur des faits graves qui lui sont reprochés. Aussi, Méziane a été mis à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'issue d'une procédure, une mesure qui les suspend provisoirement de ses fonctions d'entraîneur et de l'équipe première. Alors très surprenant, tandis qu'au niveau sportif, ça marche plutôt bien, voire même très bien, on peut craindre du coup une affaire extra-sportive. Ouais, j'ai peur que ça fasse soit la valse encore des entraîneurs avec une agression sexuelle avec les joueuses ou un truc comme ça. J'en sais rien. Rien n'a été sorti. Rien n'a été sorti. Mais ça serait utile en tout cas. Parce que si c'est une faute grave, ou alors c'est question de fric. Faute grave pour un entraîneur, c'est vrai que... Faute grave pour une question de fric. Ouais, pour un entraîneur. Parce que là, faute grave, fait grave. Fait grave, du coup, c'est vraiment les mots du communiqué de presse. Hein. Donc, c'est pas moi qui l'ai. Ah, c'est fait. Fait grave, ouais. Ouais, non, alors. Ouais. Donc, je pense plutôt au problème. Ouais. Après qu'on s'avance pas. On s'avance pas, mais bon. C'est une suspicion que. Ouais. Mais qui paraît être légitime. Ça peut faire partie des. L'inquiétude, des cas potentiels, l'inquiétude à voir, c'est que derrière ce bon début de saison, ça puisse avoir. Des conséquences. Voilà, des conséquences, un effet un peu boule de neige sur le sportif. Ça, on espère bien sûr que ce ne sera pas le cas et qu'on aura vite un entraîneur pour pouvoir continuer la bonne dynamique du BLMA. En effet, c'est la bonne, très bonne conclusion de Romain. On va passer à notre première pause musicale. C'est moi cette fois-ci qui l'ai faite parce que notre cher team n'est pas avec nous ce soir. C'est Jungle avec le titre Buzzy Erling. Au moins, t'as pas de mal à les dire. We'll be right back. Allez, de retour sur Sport and Chill, c'était Buzz Earning avec l'artiste Jungle. On passe tout de suite au jingle débat. Sport and Chill, le débat de la semaine. On va parler du 15 de France masculin cette fois-ci, avec cette belle victoire, on pourra le dire, on va peut-être en commencer là-dessus, je ne sais pas, face aux Pumas de l'Argentine ce week-end. On va parler un peu du 15 de France par la suite, et on est à 10 mois de la Coupe du Monde. On va parler un peu des forces en présence, mon cher Paul. Tout à fait, donc victoire contre l'Argentine, après 5 défaites consécutives, enfin les Bleus ont gagné, ça fait du bien. Quand même. C'est vrai. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin. Mais après la défaite encourageante, est-ce que c'est la victoire encourageante? Voilà. Et moi, franchement, je trouvais ça vraiment cruel pour l'équipe de France. Je trouve qu'ils vivent une année 2018 vraiment cruelle. Parce que on regarde le tournoi de destination, l'Irlande, ils doivent gagner. Sexton, voilà le talent de Sexton. Drop à la dernière minute, victoire 15-13. Et du coup, défaite pour l'équipe de France. Mais on était à ça de taper l'Irlande. Ensuite, il y a le déplacement au Pays de Galles, qui pour moi, on peut largement gagner aussi. Il y a Trindu qui loupe une pénalité qui est largement dans ses cordes. Et malheureusement, on perd encore une fois de manière encourageante. Bon, la tournée des Blacks, on l'oublie. Il y a eu quelques passages intéressants, mais on l'oublie, on la met de côté. Et la semaine dernière, l'Afrique du Sud, on doit gagner le match aussi, on le perd. Ça commence à faire beaucoup pour les Bleus. Il y avait absolument besoin de gagner pour éviter que les joueurs se lassent. Et de vraiment mettre l'équipe au plus bas et surtout battre malheureusement un record historique de défaites consécutives. Là, les Bleus ont gagné, mais aussi rassuré dans l'état d'esprit, dans l'enthousiasme, dans le jeu. Messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Ouais, moi je suis assez d'accord. Après, on n'a pas eu la même opposition contre les box que contre l'Argentine. Faut le préciser. Sans c'est l'inconnu, quand même, minimiser le la performance. L'Argentine. Oui, c'est souvent c'est le facteur X, cette équipe d'Argentine, parce que... C'était pas une grosse équipe d'Afrique du Sud non plus. Hein. Non, c'était pas une grosse équipe d'Afrique du Sud, si tu veux, oui, dans le sens qu'ils ont eu 50 minutes où ils étaient pas au plus haut niveau. C'était dur. Et où on sent qu'ils ont leur... comment dire, qu'ils sont dans leur seconde... Oui. Dans cette fin de saison, voilà, c'est ça. Pour le dire concrètement. Ils ont été meilleurs contre l'Écosse. Après, voilà, derrière, ils enchaînent un match contre l'Écosse et tu vois bien que cette équipe d'Afrique du Sud, elle sera sans doute au rendez-vous à la Coupe du Monde 2019. Donc pour vous, c'est pas l'équipe de France qui a poussé l'équipe d'Afrique du Sud à moins bien jouer, à déjouer. Je pense que si. Qu'on remette pas trop en question non plus la performance française lors de. Non, mais il y a eu des changements. Il y a Figo. On reviendra sur les joueurs. Il lance des perches là comme ça. Et les petites punchlines, je lance les gars. Non, on reviendra sur les joueurs, mais Paul fait bien de le dire. C'est derrière ce constat d'une équipe d'Afrique du Sud qui a eu du mal à dérouler son jeu pendant une grande partie du match. C'est aussi et sans doute parce que l'équipe de France a su répondre présent, étouffer cette équipe d'Afrique du Sud, et ce qui a aussi créé la grosse déception de la défaite à la fin du match, de se dire vraiment on était au niveau, voire sur une grosse partie du match, au-dessus de cette équipe d'Afrique du Sud, sur un match, pas forcément de manière continue, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et contre l'Argentine, ça a été encore autre chose, et ce qui m'a bien plu, c'est qu'on aurait pu avoir peur, après ce premier essai encaissé très vite dans le match, que ça éteigne nos Bleus, qui se disent décidément on n'y arrivera jamais, on fait toujours des erreurs, et au contraire, derrière, ils ont fait une partie très solide, et ils remportent une victoire plus que méritée. Où on n'a pas vu peut-être la meilleure équipe d'Argentine qui soit, mais est-ce qu'à chaque fois il faut minimiser les performances des Bleus dès qu'il y a une équipe qui n'est pas tant au rendez-vous, ou se dire, comme le dit Paul, que ça veut dire qu'on a eu une belle équipe de France? Je pense que voilà, ce week-end et sur ces deux premiers matchs de la tournée de novembre, on peut être beaucoup plus optimiste qu'on l'était il y a quelques mois. Ouais. Moi, je partage ton constat sur le manque de bol, on va dire, du 15 de France. On a tout de même... Enfin, moi j'étais plus partisan tout de même de Guinoves à l'époque, tu vois. Donc quand Brunel est arrivé, j'étais un peu déçu de voir qu'un entraîneur comme Guinoves, qui avait attendu toute sa vie de faire le 15 de France, soit dégagé aussi vite, bien qu'il y ait eu une grosse passe où il n'y a rien eu avec le 15 de France. Mais j'ai l'impression que sur l'ère Brunel, il y a quelque chose qui s'installe, un peu comme à l'image de Deschamps, un groupe qui s'installe. Et les matchs qu'on a eus depuis ce temps-là, c'est-à-dire les Six Nations par exemple, on n'a quand même pas eu de chance. On a parlé de l'Irlande qui quand même est stratosphérique sur ces Six Nations, dont on perd à la fin le cruellement. Et on est quand même classé troisième, si je ne me trompe pas. Quatrième, troisième, je crois. Avec quand même des matchs assez satisfaisants. On va pas dire que. On bat l'Angleterre, hein. il faut le rappeler. Oui, par rapport aux années précédentes où là on avait quand même. Il y a des moments où l'Italie nous battait, où on avait vraiment des gros problèmes dans ce 15 de France. Donc moi pour l'instant les matchs que j'ai vus je les sens pas inquiétants. Alors on revient tout le temps sur l'ironie, enfin sur la blague de la défaite encourageante. Malheureusement, je vais la réutiliser parce que moi, je ne vois pas un autre mot qu'une défaite encourageante quand je vois le 15 de France perdre. Tu as tout à fait raison. Parce si on bat l'Irlande, alors je mets que des si évidemment, avec les si on referait le monde, mais je rajoute des si quand même. Parce que s'il n'y a pas ce facteur chance contre l'Irlande ou Sexton, voilà, nous sort le drop au bon moment. Le talent incroyable. De Sexton, parce voilà. Que sinon, on ne serait pas lui. Le Pays de Galles, si Trent Duke passe à la pénalité et nous permet de repasser devant, on peut gagner le match contre le Pays de Galles. Et l'Afrique du Sud, ça fait Irlande, Pays de Galles, Afrique du Sud, c'est une autre saison. On voit l'équipe de France de manière totalement autre. Et on envisage l'année dernière beaucoup plus sereinement. Là, on a eu un enchaînement de 5 défaites consécutives, ça paraissait compliqué. L'Argentine, on peut relativiser aussi la victoire, mais sauf que si on relativise tout le temps, et ben on n'est jamais content et on n'arrivera jamais à avancer. Parce qu'on peut dire que l'Argentine a été aussi plus faible, moins en vue que lors du tournoi. Restons dans l'état d'esprit au niveau de c'est là que Brunel a apporté cette touche aussi. Il faut vous rappeler qu'il est champion de France avec Perpignan et qu'il a entraîné l'équipe d'Italie, avec qui il a fait des choses intéressantes. Et Bordeaux alors Bordeaux était un peu plus en retrait, mais il a réussi à apporter un enthousiasme et un état d'esprit, je trouve, à l'équipe. Voilà, donc c'est l'avantage de Brunel. Moi je trouve que il y a du mieux même dans le jeu et tout, honnêtement. Ça fait plaisir à voir dans le jeu. Pour moi c'est vraiment ces deux matchs qui l'ont prouvé. Oui enfin plus moi même l'Argentine que l'Afrique du Sud, même déjà contre l'Afrique du Sud. Déjà aussi, mais après il reconduit plus ou moins la même équipe, donc les joueurs ils ont des automatismes, etc. Mais c'est vrai qu'objectivement on n'est pas si loin. Après on a des manques à certains postes, on les aura jusqu'à la Coupe du Monde et peut-être même après, mais on n'est pas si loin des meilleures nations mondiales. Et je pense qu'avec un bon cadre de travail qui est en train d'instaurer Brunel, on peut croire à une petite chance pour 2019 et pour le 6 Nations, etc. Justement, 2019, on va y venir, mon petit. Dans 10 mois a lieu la prochaine Coupe du Monde qui se disputera au Japon. Tu as dit que Brunel, justement, essayait de garder cette équipe-là. Est-ce qu'on peut dire que l'on a certaines certitudes à certains postes, notamment à des postes clés, au moment où Yacine rentre dans le studio, il va pouvoir nous donner aussi son avis. Est-ce qu'on peut dire que le 15 de France a certaines certitudes, notamment sur certains postes? Je pense notamment à la paire de centres, d'abord. On évoquera les autres ensuite. Ficou est entré dans le 15 de départ, enfin, on peut dire, après son excellent début de saison, parce que c'était Doumerou la semaine dernière, on le rappelle. Est-ce qu'on peut dire que Ficou Bastaro sera la prochaine paire de centre au Mondial? Oui et non. Bastaro divise beaucoup. Voilà, moi c'est ça qui... Je pense que Ficou, on est peut-être d'accord sur ce point-là, surtout qu'il a prouvé à la fois dans le 15 de France quand il a joué. Je me rappelle ce fameux France-Angleterre quand il marque un essai venu de nulle part. Même son entrée face à l'Afrique du Sud est très bonne. C'était il y a un petit moment déjà, ça, ce France-Angleterre où il marque un essai. Avec le Stade français, c'est le Stade français, on est d'accord. Ouais, il fait un bon début de saison. Donc Ficou, on est d'accord, Bastaro. Après. C'est justement un peu par rapport à ses performances, je sens qu'il... Contre l'Argentine, il fait un gros match. Qui fait un très bon capitaine, par exemple. Contre l'Argentine, il fait un gros match. On va revenir justement à ce rôle de leader. Contre l'Afrique du Sud, c'est pas forcément le cas, je trouve. C'est une saison, c'est des matchs avec l'équipe de France en demi-teinte, on va dire. Et du coup, il a ses qualités, il a ses défauts. Après, face à l'Argentine, il fait quand même un gros match et tout. Il a quand même progressé dans le jeu main-main, etc. Même dans le jeu au pied. Après, ça restera toujours Bastaro. Et dans la récupération sur les rucks, etc., pour récupérer les ballons, je veux dire, il a quand même un gabarit de troisième ligne. Et ça, il n'y a aucun joueur en France qui pourra remplacer ça. Est-ce que vous pensez que Sifo Fana... Moi, je pense que Sifo Fana avait été là, Ficoun ne serait même pas encore titulaire, n'aurait même pas encore été titulaire contre l'Argentine. Aussi. Et ça, c'est possible, oui. Et je pense que moi, ce qu'avait en tête Jacques Brunel, c'était de mettre Fofana Bastaro au centre, parce que Bastaro apporte leadership, on y reviendra après, avec Ozel, Teddy Thomas et Gaël Ficou. Bah oui, oui, c'est ce qu'a dit Mathieu Lartaud sur France 2, qui le voyait comme un ailier, non pas comme un centre. Ouais. Voilà. Pour moi, Fofana, je ne le mettrais pas dans le 15 de départ. Hein. Ah, donc c'est Ficou Bastaro au centre alors. Alors Ficou oui, Bastaro oui ou mais ça dépend. Il vient de changer d'avis en direct. Hein. Non, Bastaro, je te dis, c'est terminé, tu as perdu ton temps de parole. ça dépend des adversaires. Tu joues les Blacks, je te le mettrai. Tu joues les Tonga ou autre chose. Voilà, tu peux mettre quelque chose d'autre. Non mais bonne réponse. Oui, surtout que Alex, ce que je comprends dans ce que tu dis, c'est que moi aussi, quand je vois Bastaro jouer dans son type de joueur. C'est pas forcément celui qui me régale le plus sur le terrain. Mais après, il faut penser à une équipe, à du leadership, comme parlait oui. Paul, et des joueurs sur des grands matchs qui sont capables de peser sur une défense. C'est un style d'être de un bon point aussi, d'appui, être capable de dans l'affrontement aussi, de dominer l'adversaire. Gratter les ballons surtout. Voilà. Et gratter des ballons sur les racks. Et là-dessus, Bastaro est très utile. Tout à fait. Et là, au moment où je retiens ton oui et non sur la paire de centres, c'est que, effectivement, je suis pas sûr non plus. Pourtant, j'ai beaucoup aimé le match de Ficou et j'aime beaucoup la tournée qu'il est en train de nous faire. Et puis, c'est un joueur que j'apprécie. Qu'il soit pour le moment incontournable à ce poste. Et je crois que la paire de centre est encore un chantier. Elle sera pendant le tournoi destination. Au contraire, d'autres postes. D'accord. Sauf que Bastaro, voilà, tu en as parlé, il apporte ce registre de points d'appui. Il a été utile sur ces deux premiers tests. On l'a vu défensivement, il gratte des ballons précieux. J'ai en tête l'Afrique du Sud, c'était devant mes yeux au Stade de France, où il vient gratter au bout de 3 minutes de jeu un ballon, alors que c'est un ballon chaud dans les 22 mètres. Il sert de point d'appui, il est quand même puissant. Je pense que c'était le seul, c'est peut-être un des seuls à pouvoir apporter cette densité physique que certains Français n'ont pas. Je trouve qu'il déçoit rarement. Qu'il déçoit rarement. Non, oui, tout à fait. Et depuis qu'il est là, justement, moi, donc Brunel l'a rappelé. Bon, d'accord avec vous. Alors, pour l'instant, moi, je parle en 2018. Brunel, Bastaro a fait son retour. Il a pas déçu pour l'instant. Il a pas déçu. Tu peux pas attendre plus de lui non plus. Après, il est limité dans certains cas de figure. Hein. Faut pas lui demander ce qu'il ne peut pas faire et ce qu'il ne sait pas faire. Il a déjà beaucoup progressé. Bastaro sera pas forcément les passes de 25 mètres de Gaël Ficou. Voilà. Ou, pas le même rôle. Il a tenté un coup. Ce sera pas les passes floues. Et son coup de pied n'est pas si mal joué que ça. Non, en plus. Bien sûr, il a progressé. Il faut pas voir le négatif partout. Il m'a surpris. J'ai trouvé que c'était même intelligent ce soir. Il va prendre des points moins sur le quiz. Dommage que c'est lui qui le fait. C'est pour ça que je le permets. Alors justement, j'insistais sur son leadership. Est-ce qu'on peut dire... Alors non, je reviendrai après. On va continuer d'abord sur les postes clés. Oui. On a vu Baptiste Serin enchaîner. Ah oui. Il a fait 74 minutes, peut-être même plus. Est-ce que Serin s'est installé au poste de demi-mêlée? Alors, vas-y Romain. Moi je crois que oui, et qu'à l'inverse de la paire de centre, on a peut-être notre charnière. Oui, je suis d'accord avec toi. Personnellement, j'aime beaucoup Antoine Dupont. Je sais pas si tu reviendras sur celui-ci. On y reviendra après, justement. Je vais revenir après, vas-y, fini. Mais je trouve qu'Antoine Dupont, justement, aura un intérêt dans ce côté impact player qui rentre en cours de match et que Baptiste Serin a montré ça va être facile, ça va être une grande sérénité sur le terrain. Oh. Et des bonnes certitudes aussi dans le jeu au pied. C'est notre buteur sur cette tournée, faut le savoir, et c'est quelque chose d'important dans une équipe. Moi, je souhaite pas forcément qu'on en change, parce que là, maintenant, à un an de la Coupe du Monde, si on l'installe comme buteur, il faut lui donner de la confiance. Un buteur, ça en a besoin. Et j'ai trouvé aussi que son association avec Camille Lopez avait bien fonctionné. Ouais. Et qu'une équipe de France, ça a souvent beaucoup de mal à trouver une charnière, contrairement aux grandes nations mondiales, et qu'il faut leur faire confiance, même si, effectivement, on pourrait trouver d'un coup un joueur en top 14 merveilleux. En 9 ou en 10, ils ont besoin de ça. Je pense qu'à la charnière, on a Serin. J'étais pas forcément j'étais un peu dubitatif par rapport à Serin, je suis pas le premier convaincu, mais il a prouvé qu'il était au contraire efficace. Il a été critiqué sur justement sa sortie de balle, etc. Au contraire, je trouvais qu'il avait été bon. Et puis Lopez, qui est le meilleur numéro 10 de France actuellement, qui fait deux matchs convenables. sans fioriture, sans grosses erreurs. Pareil, c'est sûr que c'est pas Wooden Barrett, hein, mais c'est pas ce qu'on veut. Si il revient bien sûr aussi. Je vous laisse finir. Pourtant, je, si on revient dans les débuts de Camille Lopez en équipe de France, je peux le dire quand même qu'il revient de loin quand même. Camille Lopez, oui, qui était fortement loin, critiqué pour son caractère en équipe de France. Si, je crois qu'il y a plusieurs années. Camille Lopez qui faisait plus que des mauvais matchs. Alors, je crois que c'est il y a 3 ans dans les Six Nations. Si je me trompe pas. Oui, il faisait quelques boulettes. Il faisait quelques boulettes. Alors, arrête-toi un moment, arrête Alexandre. Il faisait plus que quelques boulettes et il enchaînait pas les coups de pied. Et je crois qu'il faisait des sorties dans la presse, genre, bah, écoutez, moi j'ai bien joué. Mais là justement, oui, tu parles au passé. On a un joueur différent. C'est ce que je dis, il revient de loin. Lopez, ça fait 2 ans qu'il est à son meilleur niveau. Depuis qu'il est arrivé à Clermont, en fait. Et maintenant, il commence à avoir beaucoup de matchs, effectivement, au niveau international, soit en Coupe d'Europe ou avec eux. Et du coup, pour moi, je trouve qu'il donne beaucoup plus de garanties, c'est mon avis, hein, mais que, par exemple, Jules Plisson ou Mathieu Jalibert. Après, moi, j'ai une suggestion à faire. Parce que pour moi, pour répondre à la question de Paul, au niveau de la mêlée, moi, je pense que Dupont, c'est un phénomène et il est indéboulonnable. Ça doit être le titulaire. Par contre, Serein, c'est un 10 de formation. Il a le profil. Pourquoi pas le mettre numéro 10 Pas me faire encore une Morgan Parra. Ah ben c'est pas forcément une Morgan Parra, parce que Camille Lopez, c'est pas mal, mais il fait pas grand chose quand même. Est-ce que Baptiste Serein joue 9 avec 10 avec Bordeaux Bègles, justement, lapsus. Il a joué l'an dernier. T'appelles l'entraîneur. À un moment donné, il faut privilégier l'équipe de France. T'apprends l'entraîneur de l'UBB et tu le testes. Ça me rappelle un duel où je disais ça, hein. Et tu as perdu d'ailleurs. Ouais, c'est pas pour non mais moi je pense aussi qu'il faut privilégier l'équipe de France, mais que Baptiste Serein, pour moi il a des capacités en numéro 10, mais que ça reste un 9. J'ai pas dit que ça devait être ça, j'ai dit ça peut se tenter. Pourquoi les Fidji, tiens, les Fidji, bon ça va, c'est pas un adversaire monstrueux, c'est pas trop des gros Golgoths qui vont justement viser Baptiste Serein offensivement. Ça va, il est pas en sucre non plus. Bref. Et pour moi, ça c'est important d'ailleurs. Je trouve qu'il n'a pas le gabarit pour le niveau international. Camille Lopez, il est pas monstrueux. Ah bah beaucoup plus que Baptiste Serein. Camille Lopez est plus petit, plus costaud, plus trapu. Écoute Alex, vraiment. Oui, un peu. Bah c'est pas. Mais non, mais par contre. Alex, il énerve tout le monde ce soir, mais un peu comme d'habitude. Je suis d'accord par contre sur Antoine Dupont, c'est quand même un débat. Dupont, c'est un phénomène. Et Moi, c'est par rapport à Dupont que je dis ça, parce que pour moi, Dupont, Dupont pourrait être indiscutable. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Bonsoir messieurs. Bonsoir Yacine, comment ça va Yacine? Comment allez-vous? Très bien. Je me permettrai de faire quelques commentaires brefs mais non moins concis. J'en reviendrai rapidement. Allez, je reprends le micro. J'en reviendrai après sur les centres très rapidement, mais là je voulais d'abord me concentrer sur la fameuse charnière. Alors moi je suis désolé Alex, mais je rejoins entièrement les autres. Il est hors de question, il est même périlleux à un an de la Coupe du Monde de changer, comme on avait l'habitude de le faire pendant des années, une charnière qui, pour moi, dans cette équipe de France et avec les performances actuelles, ne doit pas être modifiée, fait du bon travail. Serein, pour l'instant, me convainc. Bon, après, on ne pourra pas non plus demander à ce qu'il soit un Connor Murray. C'est que dès qu'il va passer à la trappe, on va dire qu'il faut mettre du bon. Exactement. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas Connor Murray, c'est un bon demi d'ouverture. Ça s'arrête là. Après, Mêlée, pardon. Mais à coup de pas. Quand tu lui donnes de. Oui. Quand tu as son moulin. C'est ça. Non, je me suis trompé. Quant à Camille Lopez, quand je vois son gabarit, je suis désolé, Alex aussi, mais il est beaucoup moins frêle et gringalet que Baptiste Serein. Pour moi, il donne plutôt satisfaction et comme l'a dit à juste titre Romain, on ne va pas quand même tout le temps changer entre. On avait déjà hésité pendant très longtemps entre Plisson, Parra, etc. On a essayé énormément, ça n'a pas fonctionné. Quant à Antoine Dupont, je suis d'accord avec toi, il est bourré de talent, mais à un an de la Coupe du Monde et avec, je crois, une seule sélection dans l'escarcelle où il s'est blessé gravement après, il est déjà très risqué de le faire jouer à quelques mois de la Coupe du Monde. Il faut avoir des garanties et c'est maintenant que ça commence. Et moi, je pense qu'avec son numéro 21 sur le dos, il peut apporter beaucoup de choses en entrant vers la 60e minute de jeu dans des matchs de Coupe du Monde. Oui. Bon écoutez, on va fermer cette page charnière, même si c'est vrai que ça reste un débat et on pourra en discuter pendant un long moment. Il y a aussi d'autres joueurs qui se sont montrés pendant cette tournée que j'ai critiqué et qui ont répondu présent. Je pense notamment à Arthur Ituria. En troisième ligne, a-t-on trouvé un numéro 7 pour l'équipe de France? Oui. Avec Arthur Ituria. Oui. J'étais aussi surpris que vous l'êtes tous, je crois. Oui, c'est vrai que c'est surprenant. C'est parce qu'Arthur Ituria, je le vois plus comme un deuxième ligne, justement. Donc, comme quoi, des fois, ça peut être une des bonnes idées. Il a un profil très intéressant pour un troisième ligne, justement. Et je le trouve remarquable à ce poste. Remarquable. Avec le numéro 7. Très étonné. Enfin, très bien. Donc, on est d'accord là-dessus. Ituria peut potentiellement porter le numéro 7 pour la Coupe du Monde. Carrément. Ah bah, moi je suis un grand défendeur de Kylian Galtier, qui malheureusement fait pas un grand début de saison avec Montpellier, ce qui peut lui coûter cher aussi. Et j'ai peur que le retour de Yacouba Camara et de certains joueurs en troisième ligne coûte cher. C'est pas faux. Avec Kylian Galtier pour la prochaine Coupe du Monde, sachant que Mathieu Babillot semble avoir une longueur d'avance sur lui. Venceslas. Moi, je suis pas un grand fan de Venceslas Loré, mais je pense qu'il est sous les yeux. Tu peux même mettre éventuellement Leroux si. Mais non, Leroux, c'est bon, c'est un peu Leroux. Leroux, moi, ça a jamais donné satisfaction. Il faut encore une fois avoir des garanties. Moi, franchement, moi, Camara m'avait fait une très très bonne impression pendant le tournoi. On a eu une pénurie quand même, beaucoup de joueurs blessés pendant le tournoi. Camara fait partie des satisfactions pour ses premières sélections. Je suis d'accord. Oui, quant à Ituria, oui, pour le coup, moi je le mets très bien pour l'instant. Je pense qu'on a trouvé le numéro 7 pour la prochaine Coupe du Monde, en espérant qu'il ne se blesse pas. D'accord. Bon. Très bien, voilà, c'était pour les postes clés auxquels je pensais. On a beaucoup insisté avant le début de cette tournée sur le manque de cadre possible qu'il y a en équipe de France. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette équipe, Guirado qui retrouve des couleurs, Maestri qui est en numéro 5, qui fait le travail de l'ombre, qui a ce travail de leadership qu'il retrouve aussi au Stade français, Baptiste Rhin qui s'impose, Picamol qui est sobre, qui peut faire débat. Qui est sobre pour l'instant, mais qui n'a pas trop déçu. Est-ce qu'on peut bien Montpellier dans le 15, mieux, les gars, hein. Évidemment. Voilà. Est-ce qu'on peut parler un peu de ses patrons, un peu des ailiers, des arrières, sur le retour des anciens Toulousains. On y reviendra plus tard. Est-ce que ça peut devenir un cadre, justement? Attendez, messieurs, je parle pour l'instant des cadres. On est sur une colonne vertébrale, on dit cette fameuse colonne vertébrale au rugby, 2, 8, 9, 10, 15. Là, ce sera plutôt 2, 5, 8, 9, 13, 15. Je pense notamment à Bastaro, qui a ce leadership qu'il a avec Maestri et Guirado. Est-ce que vous pensez qu'on a nos cadres pour cette Coupe du Monde? Est-ce qu'il faut garder ces cadres-là? Oui. Bah, de ça, ne serait-ce que dans le groupe. Surtout, le groupe que tu amènes, oui. Surtout que je trouve que ce sont des cadres qui se sont bien remis en question, qui sont passés par une phase difficile en équipe de France et maintenant qui sont en train de sortir la tête de l'eau avec toute cette équipe. Et donc, ils reprennent toute leur légitimité. Je vous avoue qu'à un moment, je me demandais s'il fallait pas mettre dehors. Pourtant, j'ai beaucoup aimé ces joueurs en équipe de France. Et je pense que je vais me remettre à les apprécier, Guirado et Maestri notamment. Et pourtant, maintenant, ils me paraissent à nouveau incontournables pour avoir des cadres, pour avoir de l'expérience. Et puis parce qu'ils font de nouveau le travail à merveille dans cette équipe de France. Donc oui, pour moi, Guirado, Maestri, en 8, ça fait plus débat, on l'a dit. Oui. Mais Picamol a des garanties de niveau international, malgré tout, et est capable, et on le souhaite forcément, de hausser largement son niveau. Il le haussera, moi, je pense, de toute façon. Donc oui, je pense qu'on commence à avoir nos cadres, et il était temps, quelque part. Moi je reviendrai peut-être aussi sur la remarque de Yacine. Est-ce que vraiment on peut se permettre de changer nos cadres à l'heure actuelle, à 10 mois de la Coupe du Monde? C'est une bonne question. C'était le sous-entendu que j'avais dans cette question-là. C'est que, voilà, moi je pense que cette tournée a permis de confirmer les cadres qui étaient là. Et que peut-être qu'il manque un patron, c'est Morgan Parra. Oui, voilà, il peut. Qui pouvait apporter un autre leadership sur la ligne de trois quarts, sur la charnière, parce que lui, il aime ce rôle de leadership. Ouais. Il l'est naturellement en tant que joueur, parce qu'il est demi de mêlée. Il aime diriger ses gros et il peut faire du bien. Et je pense qu'on a nos trois demi de mêlée, donc Parra, Serein, Dupont pour la Coupe du Monde, a priori. Ouais, je suis d'accord pour ça. Ouais. Et je pense que Morgan Parra sera la cerise sur le gâteau pour le leadership, parce qu'on a trouvé justement aussi autant de cadres devant que derrière. Voilà. Donc, est-ce qu'on a quelques minutes? Allez, petite dernière question, que 2-3 minutes maximum. Tu parlais de retour des Toulousains? Oui, je parlais de retour des Toulousains qui peuvent faire partie des cadres. Ouais. On pense à UG et Max Médard, mais qui s'est blessé. UG et Médard sont trentenaires et sont naturellement des cadres avec de l'expérience, donc ils peuvent apporter ce côté-là. Mais pour moi, Médard peut-être en 15, pourquoi pas. Il a prouvé que, même si pour moi, moi j'aime beaucoup Benjamin Fall, mais il faut avouer que Médard a été très bon contre l'Afrique du Sud et fait un bon début de saison avec Toulouse. Tout ce qui touche à Montpellier, Alex, il peut pas le voir. Bah, c'est pas vrai. Lui, il va nous mettre Sabri Jmir qui joue à Béziers. il y joue plus, Médard. Fall, je suis moins fan. Après, voilà, c'est juste ça. Et c'est pareil, c'est des débats aussi, bien sûr. Mais je pense que, par exemple, Voilà, c'est une question que je voulais vous poser, tiens. Est-ce que Teddy Thomas, doit-on garder Teddy Thomas en tant que titulaire? Rapidement. Alors, je vais, pour c'est moi, que ce pour moi oui, mais il faut le sermonner. Parce qu'il a le talent individuel, tu peux pas le sortir. C'est comme le joueur qui peut te faire un exploit à tout moment. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je crois pas à la méthode Coué, enfin, sincèrement, le sermonner pour que ça marche. Moi, je suis pas convaincu. Je trouve que Thomas, sans être méchant envers lui, mais je vais l'être un peu quand même. Allez. Je trouve qu'il manque quand même beaucoup d'intelligence tactique. À la différence d'un Penaud qu'on a peu vu au final, mais dont on a pu voir des bribes de talent. Alors, Penaud, tu peux le mettre au centre aussi. Oui, mais moi je le garderais bien sur l'aile, j'avais bien aimé. Comme je ne fais pas partie des fans absolus de Benjamin Fall, que je garderai évidemment dans les 30, mais sur le banc. Pour moi, la question sur Thomas est beaucoup plus pertinente en effet, parce que je trouve que. Il nous a quand même pénalisé souvent, hein. par rapport à des choix qui auraient pu nous rapporter quand même pas mal d'essais. Ouais, mais Penaud fait la boulette contre l'Afrique du Sud, si tu vas par là. Ouais, mais si tu veux, il a pas le même passé qu'à Thomas en équipe de France. Pour moi, Teddy Thomas fait une plus grosse erreur que Damien Penaud. Il nous a coûté énormément de points. Oui, je suis d'accord, mais il a plus le talent individuel. Il a plus de talent, la vitesse et tout. Au final, il nous en rapporte aussi beaucoup quand même. C'est deux talents différents, Penaud et Thomas. Moi, je pense que ce peut être deux facteurs X de manière différente. Et Teddy Thomas, pour moi, c'est le facteur X de l'équipe de France qui peut te faire péter chaque défense à tout moment. Voilà, c'est ça. Mais qui est faible sous les ballons hauts, qui tactiquement, tu l'as dit exactement, n'est pas le meilleur. Mais c'est une arme à double tranchant. Après, j'ai envie de dire, plus terre à terre, faute de mieux. Qu'est-ce qu'on a actuellement? Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Nos deux centres reconditionnés. Voilà. Je veux dire, À ce moment-là, tu mets Fofana, Bastaro au centre, tu vois. Et pourquoi pas Fofana à l'aile? Et moi, j'allais dire ça. Parce que Fofana au centre, compliqué avec le ballon à quelques mois de la coupe. Et pourquoi pas Baptiste Serin en 15 avec le mettre partout? À quel moment on peut pas tout reconfigurer les postes? Je sais bien que certains peuvent être polyvalents, mais c'est leur des garanties. Ça peut marcher. Oui, mais c'est leur des garanties. Allez, on va terminer avec Romain et Paul conclura. Je vais faire rebondir. Yacine, parce qu'on était d'accord depuis le départ. Je ne sais pas ce que voulait dire Alex. Moi, je ne souhaite pas qu'on reconfigure 20 fois la ligne de 3 quarts dans tous les sens. Non, c'est pas ce que je disais non plus. Mais à choisir entre Ficou ou Fofana à l'aile, personnellement, je mets plus Fofana à l'aile que Ficou. Je suis d'accord. Ouais. Parce que Fofana a un peu une tendance à être un coffre à ballon. Il met deux coffres à ballon, alors que les centres peuvent faire la différence dans le rugby moderne. Ça me dérange un petit peu. Et pourtant, j'aime beaucoup Wesley Fofana. Là n'est pas la question. Tout à fait d'accord. Donc oui, après, effectivement, sur cette équipe de France, de manière plus globale, je trouve qu'on a un niveau de jeu qui a bien progressé. Que maintenant on est capable de produire, de refaire des essais en première main, ce qu'on n'était pas forcément capable de faire dernièrement, et que du coup dans la perspective de la Coupe du Monde on peut être beaucoup plus optimiste qu'on l'était auparavant, avec une colonne vertébrale qui est en train de se mettre en place, où j'espère qu'on saura faire les bons choix au bon moment et pas changer des choses à la veille de la Coupe du Monde. Et puis après, bien sûr, on sait bien qu'on a une poule relevée avec deux équipes, je le rappelle justement pour terminer ce débat, que sont l'Argentine et l'Angleterre, et que effectivement tout est possible, tant une désillusion qu'un grand bonheur d'aller en quart de finale et plus loin, parce qu'on sait que l'équipe de France n'est que plus forte lorsqu'elle est dos au mur, et c'est ce qu'elle a été ces derniers mois. Mot de la fin, c'est restons optimistes, positifs, et allez les bleus. Parfait, on va finir là-dessus. D'accord. On va passer à notre deuxième pause musicale, c'est Aurora et le titre Conquer. In every addiction, oh, oh, the fantasy's taking over. Always. Le débat est chaud là, il en reste encore à travers. C'était pas une très bonne pause musicale pour nous parce que là, ça s'est bastonné. C'était donc Aurora avec le titre Conqueror. On passe tout de suite à un autre affrontement, c'est le duel. J'aime ce jingle. Ce soir, deux conquérants, deux gladiateurs, et pourtant ils sont de Montpellier, pas de Nîmes. Excellent. Sur un duel sport MotoGP entre l'Espagnol Romain qui défendra ses couleurs avec Marc Marquez. Étonnant ça. Et l'autre pays latin avec l'Italie et Max qui défendra Valentino Rossi. Pour savoir tout simplement, le docteur, une question un petit peu café du commerce. Lequel est le meilleur dans l'histoire? Qui est le meilleur pilote? Qui est le meilleur? Qui est le meilleur pilote? D'accord. De manière générale. On va dire ça. Ouais, ok. Comment c'est chaud. Après, effectivement, là où je te rejoins, c'est qui sera le meilleur dans l'histoire. Oui, oui, d'accord, ok, d'accord, très bien. D'accord. Alors, qui veut commencer un petit Shifumi très rapidement, allez, en une fois. Shifumi. Allez, les gars, ça va. Allez, hop. C'est pour Romain. C'est pour Romain. Qui commence? Attends, je réfère. Ah non, qui choisit? Ah oui, oui, qui choisit. Ah, ça m'arrange. Mais moi, je dis que c'est les anciens qui démarrent. Du coup, c'est pas les anciens de l'émission, mais c'est Valentino qui démarre. D'accord. Valentino. Okay. Alors, Max, tu es entre 1 et 2 minutes quand tu veux. Très bien. Donc, alors, pour parler de Valentino Rossi, il faut commencer par dire que c'est un immense champion. Il a commencé dès le plus jeune âge dans les catégories inférieures et il a absolument tout survolé dès la fin des années 90. En 2000, il est passé sur la catégorie N, donc le MotoGP. Il a tout survolé également, il a laissé les miettes à ses concurrents. Il s'est forgé un palmarès assez impressionnant avec des records. Il a 7 titres et après des records comme 89 victoires et 195 podiums dans la catégorie N. Pourquoi il enchaîne là? Après, il est parti chez Ducati, ça a été une période oubliée, la voiture était hors du coup. Et à 34 ans, il est revenu chez Yamaha. Pour réaffronter la nouvelle garde, les petits jeunes, il les a affrontés et on peut dire qu'il s'est bien adapté parce que depuis 2013, il s'adapte très bien, il se bat pour les podiums, pour les victoires. Avec en point d'orgue la saison 2015, où il aurait peut-être même dû être champion du monde s'il n'y avait pas eu l'alliance honteuse entre Lorenzo et Marquez, qui a discrédité Marquez. Une honte, bref. Non, c'est exagéré. Mais bref, il aurait pu largement gagner le titre et Marquez a été légèrement discrédité de mon point de vue et de beaucoup d'observateurs. Et au-delà de ça, on peut dire que c'est un pilote extraordinaire parce qu'il a toujours su adapter son pilotage à toutes les modifications qui ont lieu, que ce soit dans le style de pilotage, dans les cylindrées, dans tout l'aspect du pilotage qui a évolué au cours du 21e siècle, depuis qu'il a commencé en 96. Il a toujours su rester au haut niveau. Et ça n'a pas été facile, notamment vu sa taille, vu les nouveaux jeunes, la conduite est plus adaptée pour des pilotes très agressifs comme Marquez. 20 secondes. Mais il est toujours bien en place, voilà. Très bien, parfait, tu es dans les temps. Mon cher Romain, tu as ton droit de réponse entre 1 et 2 minutes. Il se chronomètre, vas-y, je t'en prie. Je préfère, ouais, parce que je me méfie de moi-même. Donc pour ma part, le meilleur pilote restera Marc Marquez. Si le docteur Valentino Rossi possède encore aujourd'hui donc le plus beau palmarès, comme l'a dit Max, des pilotes en activité, Marquez est également un talent brut, un véritable prodige de la moto et de la catégorie Rennes Moto GP. Contrairement à Rossi qui a sa carrière derrière lui, 17 saisons, 39 ans, et qui ne semble plus avoir beaucoup d'opportunités d'augmenter sa légende, dernière victoire à Assen en 2017, il faut le rappeler, contre Danilo Petrucci, Marquez devrait avoir l'avenir devant lui. Le pilote Honda possède déjà plus de pole position que Rossi, à 25 ans il a 7 titres à son palmarès, 2 dans les catégories inférieures dont 5 en MotoGP, une unité de Rossi qu'il devrait pouvoir surpasser. De plus, Marquez doit faire face à une forte concurrence avec deux pilotes italiens de renom, Rossi et Dovizioso cette saison, et une génération espagnole dorée de Pedrosa et Espargaro en passant par Lorenzo, Alex Rins et Maverick Viñales, le coéquipier de Valentino Rossi. Et lors de son troisième titre MotoGP, Marquez n'avait que 23 ans et possédait des stats ahurissantes en avant sur les deux grands l'ayant précédé au palmarès, Rossi et Lorenzo. Je trouve que c'est intéressant de comparer les deux. Ainsi, au même âge, à 23 ans, Rossi, c'était un titre de moins, 5 victoires en moins et 12 podiums. Paul Espargaro lui-même cette saison a parlé de Marquez comme le meilleur pilote de l'histoire. 30 secondes. Je n'irai pas jusque là parce que d'autres époques et d'autres pilotes le devancent au minimum sur le palmarès. Agostini pour ne citer que lui avec ses 8 titres, mais il a de belles chances de le devenir et de rentrer au rang des légendes. On ne sait pas si Rossi aurait battu Marquez ou Marquez l'aurait fait à une époque similaire, mais force est de constater que Marquez a pris l'ascendant en course ces dernières saisons sur la Yamaha. Et pourtant la Honda cette année n'était pas la meilleure moto, mais plutôt la Ducati, Dovizioso et Lorenzo. 9 victoires sur 18 malgré tout pour la Honda. Et en mettre enfin à l'actif de Marquez, comme reçu, il a su déjà réinventer des manières de piloter en changeant de catégorie, puis en s'habituant aux évolutions technologiques en moto GTP. Il est capable notamment de se baisser dans les virages jusqu'à toucher avec son coude, ce qui est quelque chose d'assez impressionnant et que seul lui fait. Allez, top. Et c'est pour moi, pour cette raison, le meilleur pilote de... Le futur meilleur pilote de l'histoire. Ah bah, je peux répondre deux, trois trucs ou pas? Tu vas pouvoir répondre après. Pour l'instant, c'est les chroniqueurs qui vont répondre et qui vont donner. Il lui manque 10 secondes de réponse, non? Ouais, il a 20 secondes de réponse. Ah, ouais. il aurait dû le prendre avant. D'accord, ouais. Ok. Ah. C'est notre différence avec l'équipe. Voilà. Sinon, on nous attaque en justice alors. Non, je vais laisser les chroniqueurs avant répondre et donner leur avis sur cette question. Ah. Moi, j'y coche. Je peux commencer si vous voulez. Vas-y. Moi j'ai pas réussi toujours à trouver de vainqueur, pourtant je sais combien je n'aime pas les Espagnols au sport. Cependant l'argument de la jeunesse est quand même un argument très fort du côté de Romain, étant donné qu'il a 25 ans et qu'il a encore une grande carrière devant lui, c'est vrai par rapport à Valentino Rossi. Ce que je n'entends pas de son côté c'est on va dire plus les concurrents qu'il y a passer pour des gros concurrents, alors que bon, excepté des Dovizioso et Rossi qui en fin de carrière Nick Hayden, c'est quoi la question? Stoner, c'était fort. Hein. La question exacte, c'est quoi le plus grand pilote? Ouais. Voilà. Je dis pas que c'était pas fort, mais. Stoner, Hayden, tout. Non, mais ça, c'est que tu l'as fait passer. Tu dis Rossi ou Dovizioso, par exemple, tu cites pas Lorenzo et Pedrosa. Je suis désolé, c'est Lorenzo, en effet. Notamment Lorenzo. Oui, notamment Lorenzo. Mais je dirais que les deux autres sont quand même bien un cran en dessous. Donc je pense que moi au niveau des concurrents ça se tient pas, au niveau de l'âge ça se tient complètement. La différence, alors je sais pas si ça peut rentrer dans cette question, c'est que pour moi Valentino Rossi c'est une marque en tout, et ce que n'est pas Marc Marquez. Excellent, un truc super, 100% de Marc Marquez, super. Merci. Un truc tout bête qui fait encore une fois un peu café du commerce, Alex l'a dit d'ailleurs, Valentino Rossi on l'appelle par son surnom, quoi. Ça veut dire qu'il y a une aura. Il a quelque chose derrière lui, c'est-à-dire on appelle le docteur. Marc Marquez, est-ce que vous savez son surnom? Moi, je le sais. Oui, mais pas moi. Marco, le catalan. Et voilà. Personne d'autre ou pas le grand public. C'est sympathique comme surnom pourtant. L'extraterrestre. Peut-être parce que ça fait plus longtemps. Le diable de Marquez, super. L'extraterrestre, c'est. L'extraterrestre, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Dans le milieu. Donc voilà, rien que sur ça, par exemple, sur la marque. Ouais, non mais juste sur la marque de Valentino Rossi, il est au-dessus. Est-ce qu'il est actuellement le plus grand pilote? Je ne dirais pas. Donc je donnerai peut-être le point à Max, mais dans quelques années, il le sera sûrement. Voilà. Moi, c'est exactement l'argument, c'est que Valentino Rossi est une légende. Marc Marquez en sera une plus grande dans les années à venir. Ça, j'en m'en fais pas. Donc je te regarde, Romain. Romain est très vexé, non, mais... Non, mais c'est en fait, je vous trouve un peu sur des arguments faciles, mais c'est mon avis. Oui, parce que j'y connais rien, donc je me focalise là-dessus. Voilà. Merci. Donc pour moi, je donne Max. Donc Romain, je suis désolé. Alors, il y a encore deux points à prendre. Moi et Romain, tu as failli me faire changer d'avis, mais vraiment, ça s'est joué à pas grand-chose. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais pour moi, en fait, c'est comme si on me demandait quel est le meilleur pilote de Formule 1, tu me poserais la question même dans 20 ans, je te répondrais toujours Michael Schumacher. Moi, j'ai grandi avec Rossi, je l'ai vu, et un peu aussi pour les mêmes arguments évoqués par Florian, le côté un peu marque, c'est le côté historique. C'est voilà, je réponds Rossi. Après, peut-être que je te dirais que Marquez a. Peut-être pour la jeune génération, ce serait peut-être ouais, Marquez. Ouais, mais après, même sans le palmarès, pour moi, le palmarès ne fait pas tout. Voilà. Yacine, très rapidement, puis après, on aura le droit aux réponses des deux duels. Donc, Max, voilà, pour Max. Je me permettrai de dire. D'abord, je donnerai le point à Romain, car pour moi, c'est. ces arguments qui ont plus trait au, au circuit et non pas à la marque. Donc ces stats ahurissantes au même âge, alors que Rossi ne les avait pas. Tu avais cité, je crois, 3 titres de champion du monde à 23 ans, pardon, et Rossi en avait 2. Pour moi, Marquez est une légende en cours. Rossi n'a plus rien à prouver, c'est déjà une légende absolue. Après, moi, je serais aussi objectif si on me demandait aussi, Alex, pour moi, quel serait le plus grand pilote dans 20 ans. Je répondrais certainement à Hamilton, même si je l'apprécie pas. Simplement, moi, je t'es plus jeune, Yacine. Non, mais je me fie au fait, moi, si tu veux. Je sais bien que la marque, etc., prévaut, la légende, etc., l'aura que ça peut, que cela peut avoir. Mais je préfère m'en tenir aux statistiques. Et à cet âge-là, donc 27 ans, Marquez, 7 titres de champion du monde, encore certainement à venir. C'est tout simplement ahurissant et épatant. Donc, point pour Romain. Allez, point pour Romain. Peut-être réponse de Maxime. Alors, et réponse de Romain. Petite réponse sur l'âge. La différence d'âge, elle n'est pas énorme. Rossi a gagné ses titres un petit peu en décalé, mais relativement jeune aussi. Il est resté un petit peu longtemps, je crois, dans les catégories inférieures. Il a 3 titres, 4 titres en catégorie inférieure, je crois, entre 96 et 2000. Du coup, c'est aussi la période qui fait ça aujourd'hui, un des pilotes peut-être plus jeunes, c'est aussi ça qui joue. Donc pour moi, la différence d'âge n'est pas vraiment un critère. Surtout que Rossi a gagné son 7ème titre à 29 ans. Du coup, c'est plutôt actuellement dans la même zone que Marquez, et c'est après où il a eu du mal. Et je pense que Marquez, là où il va avoir du mal, c'est pour s'adapter s'il y a vraiment des conditions changeantes. On a son style de pilotage, ouais. Ouais, est très agressif, et il a beaucoup de mal à se remettre en cause. Même ces saisons, il a eu beaucoup de mal. La saison dernière, il a battu un record de chute. Enfin, il tombe énormément, il est très agressif. Donc c'est plutôt un bon point dans son pilotage, ça. C'est mon avis. Mais je pense qu'il aura du mal à se remettre en cause si un jour, les motos ou des réglementations ou des modifications font qu'ils doivent se calmer. Voilà, Romain, on a... pour terminer. Oui, c'est tout à fait possible. De toute manière, comme on disait avec Max, on fait que conjecture, sachant que déjà ces deux pilotes, on a eu de la chance actuellement de les voir l'un contre l'autre, mais ils sont deux générations tout à fait différentes, hein. C'est 14 ans d'écart, presque 15, donc c'est considérable. Il faudra voir ce que fait Marquez effectivement dans le futur. Pour autant, si Rossi est le personnage numéro 1 de la MotoGP, retenu notamment par notre génération, parce qu'effectivement, comme depuis tout petit, on le voit, il est toujours là, et moi, je suis toujours admiratif de la longévité d'un sportif. Je trouvais cette question intéressante, tout simplement parce qu'effectivement, Rossi viendrait automatiquement, et qu'il y a le challenge d'aller trouver les arguments pour Marquez, et que si on regarde dans le détail, derrière ce qu'est le personnage Rossi, et c'est vrai que c'est important, Marquez a à la fois des performances au même âge malgré tout qui sont légèrement supérieurs, après c'est que légèrement, je suis d'accord avec toi Max, et en termes de personnage, il peut déplaire, mais il a son côté aussi charismatique, et il a su jouer sur ce duel et cette rivalité Rossi, et si à une époque on pensait que les records de Rossi étaient sans doute inatteignables dans les années 2000, Marc Marquez prouve qu'on peut même sans doute les surpasser. Ouais. Tout à fait, merci pour cette conclusion rapide. On va passer à notre autre source de conflit, c'est le quiz. Sport and chill, le quiz. Décidément, ce soir, ça joue au niveau des conflits. Hein. Est-ce que tu veux jouer avec moi, Yacine, pour pas que je sois ridicule? Merci. C'est Alex ce soir qui nous fera l'honneur de faire le quiz. Alex, je t'en prie, tu as 12 minutes. Time. Ok, alors on va commencer par une question facile. N'hésite pas à toujours dire tour de table ou rapidité. Tout à fait, donc tour de table. SBZ héros. Allez, ça va, sois sérieux. Combien de titres pour la SBH? Moi j'ai la réponse. Alors, combien d'essais pour Guirado? 9. En équipe de France? Non, pas du tout. Tour de table, j'ai pas l'impression. En équipe de France? Oui, oui. Parce que précise, sinon. Excusez-moi, en équipe de France, tour de table. Je commence. Vas-y, commence. 5. Ouais, 5 essais, je crois. Ben, si Flo galère... Flo oui, pardon. Non, ça va, ça va. Ah, c'est à moi de commencer. Non, c'est Paul qui a commencé, ça y est. 5. Nous, on dirait 3. D'accord, bon, main. Moi, je pense plus que... Mais j'hésite entre 4 et 5. Je vais dire 4, du coup. D'accord, et Max? Je vais dire 6. Eh bien, c'est Max qui tombe pile. 6 avec son essai contre l'Argentine. Donc, j'aurais dû donner mon point à Romain. Un point pour Max. Punaise. Alors, question toujours rugby. Donc il y a comme rapidité ou tour de table. Tour de table. Comme l'a évoqué Florian. Tout à fait. Dans l'émission, il y a 2 ans à Chicago, l'Irlande avait battu les All Blacks pour la première fois de leur histoire. J'aimerais que, en fait, vous me disiez depuis combien par rapport à ce match, ça faisait combien d'années qu'il n'avait pas gagné? Donc combien d'années sans victoire pour les pour le 15 du trèfle? Attends. Avant celui-là. Il y a deux ans à Chicago, je parle. Voilà. Contre les Blacks. En gros, ça faisait combien d'années, tout match confondu, ouais, que l'Irlande n'avait jamais gagné quoi. Non, mais je veux le nombre d'années. Contre les Blacks. Oui. C'est-à-dire du premier match jusqu'au match en 2016. Oui, bien sûr. Et est-ce que j'ai une question dessus? Est-ce que c'est à domicile? Tout confondu. Tout confondu. Okay. De toute façon, dans tous les cas, c'était la première. Oh, à domicile, c'était à Chicago. Fais les tours de table. Donc je commence par Max. Désolé, alors, il faut changer. Alors, à Vinay, on va dire quelque chose comme. Allez, 45 ans. C'est hyper dur. D'accord. Bon, quand même. Donc depuis le premier match entre Nouvelle-Zélande et Irlande. C'est ça. C'est 130 ans, un truc comme ça. Non, mais pour moi, c'est beaucoup plus en tout cas. Ouais, je pense que c'est beaucoup plus. Ouais, mais je me trompe peut-être, je dirais. 75. 15. D'accord. Flo ? Ouais, mais est-ce qu'on peut jouer le beau jeu un petit peu ? Oui, bien sûr. On va jouer le beau jeu et on va dire qu'il n'avait jamais eu de victoire. Non, mais oui, mais c'est non, ça non, le c'est jeu. Pas ça. Non, mais on le savait déjà. Ça, c'est la réponse. C'est le nombre d'années. On le savait tous, les gars. Vous avez discuté aussi longtemps. En partant du premier match Irlande-Nouvelle-Zélande, ça faisait combien d'années jusqu'au match de 2016 sans victoire ? Putain, je comprends rien à sa question. J'ai plus le premier match officiel entre les deux, oui. Quand bien même c'était une défaite. Ça faisait combien d'années, Guirado ? En fait, faut trouver la date du premier match officiel. Non, les gars. C'est pas la date. Oui, ça faisait combien d'années qu'il n'est. Voilà, oui. Mais l'écart. Oui. L'écart, oui. C'est un peu coquin comme question. On va dire 83 ans. Ouais. D'accord. J'aurais dit 90, moi. Tu dis 90 ? Ouais. C'est le plus près qui gagne ? Oui. Donc c'est Paul. 111. 111 années. 111 ans. 130, j'étais pas loin. Jamais quoi. Ils ont démarré il y a très longtemps. Jamais quoi au final. Attends, mais tu gagnes. Non, il a dit 45. Moi j'avais compté années 30-40, mais en fait c'était bien avant. Question toujours rugby. Donc, toujours 2016. Le 25 juin 2016, la France a infligé une petite fessée. Rapidité ou pas ? Ah pardon, excusez-moi, toujours tour de table. La France a infligé une petite fessée 27-0 à Tucumán aux Argentins. Je veux que vous me disiez combien de joueurs argentin était présent en 2016 et en 2018 là pour le match de ce week-end. Pas du week-end qui est de samedi quoi. T'en avais 4. Donc on va commencer par Paul. 4. Ok. Florian. C'est moi ou tout le monde les mêmes commencent Ouais, mais Lavanini, il y avait Moyano peut-être. Oh. Bah non, c'est que des jeunes qui avaient contre l'Argentine quasiment. Mais non, attends, on parle de l'Argentine. On parle de l'Argentine. Ah, mais vous dormez, vous. Excuse-moi, c'est pas comme si c'était des vieux en Argentine qui jouaient contre l'équipe de France. Non, il y avait de tout. Ah, attends, moi je dirais pas ça, vas-y. Flo, il est en train de nous saboter le quiz. Bah. Tu dirais quoi d'autre? Non, vas-y, dis-le. On va dire 7. T'as dit 4, hein? Ouais, je dis 4. T'es 7. Eh, les gars, c'est pas facile de se concerter, hein. On voit ça. Moi je vais dire 5. D'accord, et Max? Ouais, je vais dire 6. Vous êtes vraiment des fiottes. C'est Flo Yacine qui gagne, c'était ouais. 13. 13 très rapidement. Crivi, Sanchez, De La Fuente, Matera, Kubeli, Morini, Ortega, Desio, Petit, Lezzana, Montoya, Rolando et Lavanini. À la base, j'étais à beaucoup, mais en fait, non. C'était beaucoup. Ah bah, je pensais moins. Super avancé, pardon, excusez-moi de cette intervention. Tour de table, question football. En National League, combien d'équipes ont à ce stade de la compétition 0 points? Et je voudrais que vous me les citiez. Yes! Je les ai pas. Ah, mais... Toutes confondues. Il y en a dans les 4 ligues. Pour la National League. Celle qui a en tout perdu. J'accorderai le point si vous trouvez juste. Essayez de combler parce qu'on en a moins pour 5 minutes avant de réfléchir. Bah non mais les gars, à un moment donné, ce soir vous êtes pas ensemble. Puisque. Alors je vais commencer par Max, mais tu prends un petit peu de temps si tu veux. Je réfléchis. Mais il suffit de me donner le nombre. Allez, le nombre, j'accorde le point que pour plutôt le nombre. Parce que sinon on a pour 10 ans à trouver tous les. Mais si vous en trouvez 2, c'est bonus. Peut-être pas justement. Cette compétition est tellement passionnante que j'en sais rien. Il y en a un, il est évident. 5. Oui, j'en ai un, je pense. 5, d'accord. La base. Romain ? 5. Je sais même pas si Bangladesh il est en National League ou pas. Non, là, c'est Colorado. Ouais, c'est... En Europe, je suis con. Okay. Moi, je dirais. Ah ouais, non, moi, c'est. Il y en a plus. Il y en a plus que 5. Tu dirais qu'il y en a plus, toi ? Ouais, j'ai dit 5, mais je sais pas combien il y a de ligues en fait. Il y a A, B, C, D. Il y a 4 groupes dans chaque groupe. Parle de nous qui réfléchissons un peu trop longtemps. C'est bien, c'est plus que ça. Je dirais 4. D'accord, 4 pour Flo. Moi, nous, on partait sur ça aussi. Ouais, moi aussi, j'étais sur 4. Et Paul ? Ouais, j'étais sur 4 aussi. Eh bien, point pour Paul, Romain et Flo, c'est 4. Lituanie, Saint-Marin, Irlande du Nord et Islande. J'avais Saint-Marin. J'avais Islande. Ah, l'Islande. J'avais que Saint-Marin. Et personne. Alors, t'avais Bangladesh. T'avais Bangladesh, c'était pas mal. Alors, question tennis. Après sa victoire au Masters, rapidité. Tour de table toujours. Après sa victoire au Masters, combien Zverev possède-t-il de points au classement ATP? Des points. On va commencer par Paul. On commence. Par Flo, parfois. Ouais. On parle hein, du coup. Moi, je dirais vers. Quoi? Je suis pas... Ah non, moi je dirais beaucoup plus, 5000 par là, non? D'accord, mais moi je suis pas au fait des points en fait. Allez, 4000 par. 3700, mec, il descend à chaque fois. Combien 3951. C'est ça? 3951. D'accord. Jugé vendu. Allez, Romain. J'essaie de tricher en regardant, mais je vois pas. Je crois que j'ai jamais regardé le détail. Des c'est points pour ça, en fait. Parce que je vous ai dit, un grand chelem c'est 2500, mais il en a pas gagné. Moi je dirais. 3. Ah putain, j'ai peut-être un 4308. 47. 4314. Allez, Max. 5972. Attends, 5000 combien? 972 972. Ok, et Paul? Vous êtes utopique. Moi, 4122. 4122, yes. Eh bien c'est Max la calculette. Qui gagne. Quoi? Il est 3ème mondial. 6385 points. Oh la vache. Ah mais je savais pas que c'était le 3ème mondial. 385. T'as raison. C'est quoi le premier? Il y a quoi? 8000? Parce que je me rendais pas compte. Il doit être à 9000 Djoko, 7000 Nadal. On pouvait pas avoir une ref de base. Putain, je savais pas que Montpellier donnait 2500 aussi. Alors. On donnait que des réponses au hasard. Non, je vais vous faire. Alors maintenant, je vais vous faire un petit qui suis-je. Yes! Donc c'est rapidité. Tour de table! C'est alors, on y va. J'ai connu ma première sélection le week-end dernier. Pas enfin, le week-end qui vient de passer. Mon père a joué au Barça et a remporté la Coupe de l'UEFA et la Coupe d'Europe des clubs champions. Je joue pour un pays ex-soviétique qui a souvent affronté la France ces 10 dernières années. Vas-y, enchaîne. Hein? Enchaîne? Bon, là je pense attends. Vas-y, enchaîne. Alors j'enchaîne. Mon père était surnommé le Maradona des Carpates. Agui. Voilà, c'est, je me doutais que Yacine y allait. Donc point pour Yacine et Flo. C'est ça. Yanis Hadji. Yes. Le fils de Georges Hadji. Voilà. Et ok, d'accord. J'ai rien compris. Qui c'est qui a demandé à Alex de faire le quiz? J'ai essayé de trouver des questions. Je vais pas à Bordeaux qu'avec Agui. Hadji, Yanis Hadji. Roumanie. Ça m'a pas qu'il avait connu sa première cape. Moi je le connais même pas, c'est dire. Ouais, moi non plus. Putain, j'ai l'impression que je suis au football quoi. Si, Agui quand même. Alors, question WRC. Après sa victoire en WRC, pour la 6ème fois, donc Auger se rapproche un peu plus de Sébastien Lhomme, on en a parlé. Je voudrais que vous me trouviez, tout au table, pardon, ouais. Quels sont les deux rallyes où Lhomme détient le plus de victoires? Oh. On va commencer par Romain, allez, pour changer. Waouh! C'est pas pas mal comme question. Mais faut trouver. Bien vu. Je vais dire. C'est terrible. Allez, Romain. Tu vas dire un pays qui existe pas. Tu vas y arriver. Ouais. Bangladesh. Un peu de concentration, monsieur. J'arrive plus. C'est terrible ce quiz. Vous voulez dire qu'on commence, le tour, moi je vais dire le tour de Catalogne. Oui. Valverde a gagné. Et le deuxième? Le tour de Suisse. Et je vais dire le tour de Grande-Bretagne. D'accord. Max? Je vais dire Argentine et Allemagne, je pense. D'accord. Paul? Il y a rien, Monte Carlo? Oui. Ok, t'as pas... Ah, c'est pas ça. Si. Si, ouais, non, mais ok, non, je veux dire. Monte Carlo, Rallye de Suède. Oui, et le deuxième? Monte Carlo? Non. Rallye de Suède et Rallye de Norvège. Deux? Norvège. D'accord. Et Flo et Yacine? Ils disent pas. Nous, on partait sur Monte Carlo, Finlande, Monaco et Finlande. Bon, ben, personne n'a la bonne réponse. C'était Catalogne et Allemagne. Catalogne et Allemagne? Ah. Il a dit Allemagne. Bon, alors dit Allemagne. Du coup, il y a un point. J'accorde un point à Max et à Romain. Ah ouais, je crois qu'il a rien donné. Il a cherché du fin fond. Putain, c'est tout le rallye de Catalogne, j'étais allez, quasi sûr. Allez, braqueur. Je peux encore faire une petite question? Ouais, allez, une dernière. Allez, tour de table. Okay, on en a parlé. Soit ski. quelle nation a le plus de médailles? Attention, quelle nation a le plus de médailles au JO en soit ski? Je dis bien le plus de médailles. La Chine. Moi, je dirais. Oh, c'est rapidité ou? Non, non, tout au table. Vas-y, Romain. Non, mais du coup, faut pas que je démarre. Ils vont tous me suivre. Ah bon, allez, alors. Ah, t'es sûr, Paul? Enfin, non, je suis pas sûr. Oh, bah, non, allez, si, il y a le risque. Le Japon. D'accord. Le Max. Japon. Max. Le Japon. Non. Ouais, si. Pardon, excusez-moi. Non, vas-y, vas-y, tu peux changer. Je change vite, hop là, clac, un pays sympa, Suède. D'accord. Pas mal. Max. Autriche. D'accord. Allez, Flo et Yacine. La Slovénie. D'accord. Et Romain? Moi, je dirais l'Allemagne, mais j'étais pas sûr. Eh bien, aucune bonne réponse. C'est la Norvège avec 30 médailles. Ah, putain, la Norvège. Voilà. La Finlande a le plus de titres avec 10 médailles d'or, mais c'est la Norvège qui a le plus de médailles. Moi je dirais Norvège tout à l'heure, on peut pas me donner un point. Non, désolé. Allez, alors, victoire 2. Alors attendez, parce que je suis pas bon en maths. Avec une égalité entre Flo et Max à 3. Oh, alors, yes. Alors j'ai une question rapide de qui j'en ai une. Dépêche. C'était alors par rapport au football féminin, le match Lyon PSG ce week-end, Laure Bouleau par exemple, ancienne joueuse consultante Canal, combien a la sélection à l'équipe de France? Allez, rapidité. 92, non, pas rapidité. Bon, alors, allez. Ouais, moi j'ai 92. Ok, Romain. Et pourquoi moi? Parce que c'est toi qui joue. Non, parce que c'est. Flo, excusez-moi. Yacine, oui. Alors, je veux bien participer. Quand j'ai dit que c'était pas bon en match, c'était. Sélection d'équipe de France. Sélection d'équipe de France. C'est 5 le PSG, je crois. Mais avec l'équipe de France, largement moins. On fait une grosse carrière. Ouais, 1000. 62. 66 pour faire plaisir, Rémi. 66. Eh, ils sont pas loin, c'est 65, donc c'est Flo et Yacine qui gagnent le duel. Allez. Terrible. Oh là là, le quelle quiz. Arnaque. Le quiz, pardon, ouais. On gagne le duel aussi. Allez. C'est laborieux. Merci. C'est laborieux cette fin d'émission. On va passer à notre agenda, pronostic, remerciement, etc. Alors, l'agenda. On va commencer avec le foot. Je vous donne un peu les gros matchs de cette semaine. Mardi, donc France-Uruguay et Argentine-Mexique en amical. Vendredi, il y a le derby Lyon-Saint-Etienne. Samedi, un gros match en Angleterre, Tottenham-Chelsea. Un gros match en Liga, Atlético-Barcelone. Et le match retour de la Copa Libertadores entre River et Boca Juniors. Et dimanche, un petit match en Italie, Lazio, AC Milan. J'ai dit un petit match, excuse-moi. Non, mais c'est un petit match. Alex, tu as du rugby pour nous. Tout à fait. Alors, côté top 14, Union Bordeaux-Bègles contre Toulon, USAP Castres Olympique, Racing 92 Grenoble, Pau Toulouse, Agen Montpellier, Stade Français La Rochelle et Clermont-Lyon. Et côté test match, j'ai Italie-Nouvelle-Zélande, Écosse-Argentine, France-Fidji, bien sûr, Irlande-États-Unis et surtout Angleterre-Australie et Pays de Galles-Afrique du Sud. Allez, en autre sport, Romain. En notre sport, alors j'ai du ski alpin avec tout d'abord au Canada la manche de Lake Louise et aux États-Unis la manche de Killington. Ensuite, j'ai du saut à ski, et oui. Et en plus, c'est en Finlande. C'est à Ruka. En patinage artistique, je le dis parce que ce sont les internationaux de France qui ont lieu du 23 au 25 novembre à Grenoble. Et il y aura également du côté des sports d'hiver, du ski acrobatique en Autriche. Et oui, donc Grenoble, on a découvert que c'est la ville du rugby. Je vous le reprécise, c'était l'info du soir. Enfin, on parlait des sports mécaniques et c'est le dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison. Je sais que la dernière fois j'avais dit la même chose pour Interlagos par erreur. Ah. Et donc c'est le Grand Prix d'Abu Dhabi désormais qui clôt la saison. Abu Dhabi paye plus cher. Dimanche prochain. Voilà. Ouais. Et puis je te laisse le. Donc il y a le ski de fond aussi, bien sûr. Aussi en Finlande, mais je te laisse le teasing Coupe Davis, je suppose. Oui, bien sûr, le tennis avec la Coupe Davis qui sera vendredi et ce week-end, finale entre la France et la Croatie, qui sera d'ailleurs notre pronostic de la semaine. Et au niveau du sport Montpellierain, très rapidement, Guingamp reçoit le MHSC féminin samedi 14h30. Le MHSC masculin, quant à lui, recevra Rennes dimanche à 15h. Les Vipers vont en déplacement à Tours samedi 20h30. Mondeville reçoit le BLMA dimanche. Le MHB cette semaine reçoit Cesson mercredi en championnat et reçoit Kristianstad à l'Arena dimanche pour la Ligue des Champions. Le MWP, donc Waterpolo, se déplace à Douai samedi. Et comme tu l'as dit, Alex, Agen recevra le MHR, si je ne me trompe pas, ce week-end aussi. Du coup, notre pronostic de la semaine, c'est la Coupe Davis. Je voudrais savoir les manches, entre la France et la Croatie, qui se jouera à Lille. Les manches. Sans surprise. Bah, combien de manches combien? Qui va gagner combien de manches? Ouais, d'accord. Oui, voilà. D'accord. La France l'emporte 3-1. Oui, voilà, 3-7-1, en effet. Enfin, 3-7-1, 3 manches à 1. Ouais. Alex. Inch'Allah, j'espère. 3 matchs à 2, c'est possible ? Oui, je m'en rappelle plus. Oui, c'est possible. Oui, 3 matchs à 2, Croatie. Ouais, j'aurais dit 3-2 Croatie aussi. Ouais. Bah, c'est ce que j'avais envie de dire, mais je peux faire confiance à nos Français, donc je vais dire 3-2, mais dans l'autre sens. Moi, je suis cocorico. Yacine, pardon. Faut être cocorico. Je pensais dire 3-2 Croatie, mais je dirais également pour faire la méthode Coué. Avec 3-2 pour la France avec une victoire sur Koric qui fera pencher la balance. Pencher la balance, pardon. Ils n'ont pas pensé la balance, ouais. Voilà, et moi, je vais mettre 3-1 Croatie avec deux gros simples de Koric et Cilic, le double qui gagne, mais Cilic qui termine le travail. Je verrai ça. Voilà. C'est quelque chose. Il est 21h, on va terminer. On vous remercie donc les auditeurs de nous avoir supportés, surtout à cette fin d'émission apocalyptique. Merci à. Avec un des plus grands fous rires de l'histoire d'émission. Merci à Arnaud aussi de nous avoir supportés. Je sens que c'est dur, surtout au vu de la maladie. Je vous remercie, vous, les chroniqueurs, d'être venus pour cette 11e émission de Sport & Chill, la saison 4. Merci. Et cette 102e émission. Toute saison confondue, pardon. Merci à vous. Le son de la semaine, c'est la victoire de l'équipe de France féminine face au All Black féminin, donc les Black Ferns. Gros exploit, et on n'espère pas le dernier des exploits du 15 de France féminin. On termine là-dessus, et on se retrouve la semaine prochaine pour une interview du Pôle Espoir volé, avec en corrélation évidemment avec le Krebs, comme d'habitude. Bonne soirée à tous. En corrélation avec. En collaboration avec. Pas pareil. Quand même. Merci à tous, et à la semaine prochaine. Bonne soirée, salut. Allez les Bleus. Salut. Allez, salut. Ciao. Pire du monde chez elle. Ce ballon par Roman Ménagier, il y avait un en avant, fait du match, c'est fait mesdames et messieurs, 32-27, exploit de l'équipe de France féminine qui bat ici à Grenoble dans son jardin, l'équipe néo-zélandaise, les champions du monde, la joie des tricolores, quel match. Elles l'ont fait, elles nous font rêver ces Françaises, c'est extraordinaire mesdames et messieurs ce qu'elles viennent de réaliser ce soir. C'est magique pour le rugby féminin, c'est magique ce qu'elles viennent de réaliser. Elles ont battu les championnes du monde. Quel match et de quelle manière. Bravo les Bleus et surtout, merci les Bleus. Sport and Chill, tous les lundis de 19 à 21h sur Radio Campus Montpellier.